Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place. Donc, Tony Di Martino présent, Olivier Tarabella a démissionné, donc nous attendons la notification du préfet, Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigo, Vincent Doucissé, John Jibiro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariem Diop, Kalin Tribik arrive, Amit Chahir a donné pouvoir à Anne Gerval, Mamadou Sila, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Mohamed Jenan, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence, Solène Le Bourris. Donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mariem Diop. Est-ce que Mariem est là? Elle va arriver, donc on va désigner Vincent Doucissé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Donc, nous procédons à une interruption de séance et nous donnons la parole à la coordination des délégués de parents d'élèves qui souhaitent intervenir. Monsieur Kouba, allez-y. Bonsoir. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, nous souhaitions prendre la parole aujourd'hui suite aux derniers événements concernant l'alimentation et la santé de nos enfants. Nous pensons bien sûr à la fermeture de la cuisine centrale pour des travaux de mise en norme suite au gravissime et inquiétant rapport d'inspection de la direction départementale de la protection des populations et de la mise en demeure qui ont résulté. En effet, nous considérons que la cuisine centrale est un joyau pour notre ville, mais celle-ci n'a a priori pas été traitée comme telle. Depuis de nombreuses années, pour atteindre un très haut niveau de délabrement méticuleusement détaillé dans ce rapport. Vous comprendrez l'exaspération et la grande inquiétude de nombreux parents aujourd'hui. Désormais, au-delà des problèmes de qualité et de quantité dénoncés haut et fort par les parents, depuis la mise en place du contrat avec Sodexo, c'est la sécurité alimentaire de nos enfants et des personnes âgées de Bagnolet qui est en jeu. Cet aveu, mis en lumière par le rapport d'inspection, vient confirmer ce que les parents de Bagnolet savent déjà depuis plusieurs mois. La mairie résulte sourde à nos revendications. L'alimentation des enfants de Bagnolet n'est pas prise au sérieux et ne constitue pas un engagement pour votre majorité municipale. L'alimentation des enfants est pourtant un enjeu essentiel, parce qu'il réunit à la fois une problématique de goût, de santé publique et d'écologie. Les parents des enfants de Bagnolet se sont impliqués depuis des années pour faire remonter à la mairie des problématiques persistantes de la restauration scolaire pour mémoire. En 2018, une visite de la cuisine centrale qui avait permis de constater des dysfonctionnements et de proposer des améliorations sans pour autant être suivie des faits. En 2019, une participation aux réunions préalables à l'appel d'offres de renouvellement des prestataires qui n'a cependant pas donné de résultat puisqu'un contrat unique a été signé avec Sodexo en entrée de gamme. Des repas en quantité insuffisante et de quantité médiocre préparés dans une cuisine non conforme sont servis aux enfants depuis plus d'un an, provoquant l'insatisfaction des enfants et la colère des parents. La question des contenants en plastique liés au système en liaison froide posé depuis 2018 également, n'est visiblement toujours pas résolu. S'ajoute désormais, une augmentation et un nouveau système de réservation qui ne fonctionne pas bien et qui pénalise financièrement les parents. Nous sommes fatigués. saisi d'un sentiment d'impuissance à voir les choses s'améliorer. Comment avoir encore confiance quand toute perspective positive semble impossible à obtenir à l'action municipale ? Sans reprendre en détail tout l'historique de nos revendications, depuis le choix de la mairie de faire appel à Sodexo pour fournir la cantine centrale, jusqu'à l'augmentation des prestations municipales ainsi que la modification des modalités de réservation de ces prestations, ces derniers événements s'inscrivent dans une succession de choix politiques délétères et de défaillances institutionnelles. La dégradation avérée de la qualité des repas coïncide avec le contrat avec Sodexo, mais d'autres dysfonctionnements sont symptomatiques d'un problème systémique d'organisation des services de la gestion des ressources humaines. Concernant l'augmentation du prix des prestations municipales, nous répétons, nous mettons en doute la soi-disant mesure sociale et de choix de la majorité. En effet, la très grande majorité des parents ont vu leurs factures augmenter malgré des revenus souvent modestes. Nous vous avons demandé des chiffres pour combien de familles le prix a baissé et de combien. Encore une fois, votre équipe n'a pas été en mesure de nous communiquer ces chiffres en toute transparence. Cette augmentation, colérée de la dégradation de la qualité des repas, passe très mal et vous comprendrez aisément la colère des parents. Les différents incidents, comme la date limite de consommation dépassée, les ruptures de la chaîne du froid, et désormais le rapport d'inspection accablant laissant à penser que les risques sanitaires est à prendre très au sérieux. Sans oublier que vos enfants mangent à la même table que les nôtres. De nombreux parents témoignent de diagnostics médicaux tels que d'intoxication alimentaire. Tous ces parents sont aujourd'hui de fait persuadés que la responsabilité de la mairie est désormais avérée. Sachez donc que nous serons vigilants une fois la cuisine réouverte et qu'une mise en danger alimentaire de nos enfants pourra faire l'objet de démarches auprès du tribunal administratif. Sujet connexe néanmoins majeur, la mise en place de la plateforme de réservation des prestations municipales du Bajau Service induit encore la surfacturation de nombreuses familles qui, n'ayant un accès facile aux outils numériques, ne peuvent modifier leur réservation. Nous avons à plusieurs reprises signalé ce dysfonctionnement et demandé la mise en place d'un temps d'adaptation et de pédagogie. Rien n'a été fait et à titre d'exemple, pour la seule école élémentaire Jean Jaurès, pour les mois de janvier et février, ce sont des dizaines de familles qui sont indûment facturées pour des prestations qu'elles n'ont pas réservées. Cette plateforme de réservation constitue une rupture d'égalité entre les usagers de Bagnolet. Pour rappel, suite à une réunion de commission des menus le 6 mars 2023, nous avons été informés des dysfonctionnements de communication entre le service des prestations municipales et la cuisine centrale qui n'est pas informée du nombre de repas exacts à produire. Nous nous interrogeons donc sur la pertinence et ce système de réservation. Il ne produit pas d'effets concrets et positifs quant au gaspillage et aux économies. D'ailleurs, vous pourriez prendre exemple sur la mairie de Bagnolet qui mène un véritable travail pédagogique en laissant le temps de l'approbation de l'outil numérique. Merci Nadia. Okay. Enfin, pour replacer notre discussion dans le contexte actuel, les problématiques de restrictions budgétaires qui s'imposent à notre ville ne peuvent en aucun cas justifier des économies sur la santé et le bien-être de nos enfants. L'amélioration de la gestion municipale dans d'autres domaines pourrait, semble-t-il, permettre d'assurer la mise en œuvre et le financement des changements attendus. Ainsi, nous réclamons la mise en place d'une véritable action politique, sociale et écologique au sujet de la limitation des enfants de Bagnolet, soutenue par une approche engagée et visionnaire à l'heure où les questions environnementales et de santé publique sont au cœur des enjeux de notre société. Prenez exemple sur les initiatives de nos voisins, comme cette enthousiasmante expérimentation menée dans le groupe scolaire Maryse Bastier à Romainville. Nous exigeons en effet que tous les enfants de Bagnolet puissent manger à leur faim des repas de qualité, qu'ils aient accès à une nourriture saine et cuisinée, constituée de fruits et légumes frais et de qualité lorsqu'ils sont accueillis au sein de notre institution publique. Tous n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de fournir un produit bio et de qualité, et ce, de plus en plus en cette forte période d'inflation. Et cet objectif est en l'état impossible à atteindre en confiant l'alimentation de nos enfants aux géants de l'alimentation collective qu'est Sodexo, et surcroît avec un contrat en rentrée de gamme. Outre ce changement de fournisseur et de cadre marche, nous vous demandons de rassurer les parents par une communication claire et transparente la publication des chiffres démontrant l'intérêt des évolutions tarifaires pour les familles les plus précaires. À la croisée de cette demande urgente de recréer un lien de confiance et de notre volonté de voir se mettre en œuvre une cantine de qualité sur le long terme. Nous exigeons d'être partie prenante au quotidien par la mise en place efficiente d'un dispositif de commission démocratique dans le cadre desquels nous pourrons travailler avec les agents, la mise en œuvre d'une cantine qui réponde véritablement au bien-être et à la santé de nos enfants et nos personnes âgées, tout en prenant compte des enjeux environnementaux des prestations municipales. Cela va de la rédaction d'un cahier des charges au menu. Mesdames et messieurs les élus, nous espérons que vous entendez ici ce désir de voir notre ville comme la ville où se construit durablement le futur de nos enfants et que vous saurez être véritablement porteur d'un projet politique local de gauche, soucieux d'un service public de qualité qui place au centre l'avenir de nos enfants. Merci. Merci, Monsieur Kouba. Édouard de Noël, pour une réponse globale. Eh bien, merci pour votre intervention. On poursuit le même objectif et j'imagine, comme vous le disiez, que le lien de confiance doit se retisser. Alors, votre intervention était dense, donc je vais essayer d'être détaillé tout de même dans ma réponse. Donc oui, il y a un rapport d'inspection routinier mais sévère de la DDPP qui a démontré des dysfonctionnements à la cuisine centrale de Bagnolet. Des retards de certification de formation, des problèmes sur le bâti. Et oui, la cuisine centrale est ancienne, elle date de, elle a le même âge que moi, date de 1984. C'est un rapport sévère, mais qui ne met pas en avant un risque sanitaire grave, puisque, comme vous le savez, si ça avait été le cas, la cuisine aurait été fermée de force immédiatement. Cela dit, on comprend l'inquiétude qui peut naître chez les parents, inquiétude quand on reçoit ce genre de rapport sur des boucles WhatsApp. Je me mets à la place des personnes qui le reçoivent. Quand on n'est pas, j'allais dire, dans le bain, ça peut paraître notoirement effrayant. On a tous des enfants, on y tient tous, et on peut légitimement se poser des questions. Cela dit, pour reprendre votre intervention, je ne souscris pas à tout ce qui est écrit, et je vais essayer de revenir de manière un peu détaillée sur ce qui s'est passé depuis quelques années et précisément ensuite depuis 2020. En 2020, au début du mandat, il y avait plus de chefs de service à la cuisine centrale, des problèmes notoires sur les questions d'achat, d'approvisionnement qui aujourd'hui sont corrigés. Il reste effectivement beaucoup de travail. À la suite de la fermeture pendant un mois, jour pour jour, de la cuisine communale, il y a eu 300 000 euros d'investissement dans la cuisine. Quand vous parlez d'abandon, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a quasiment 900 000 euros de travaux qui ont été faits depuis 2016. C'est pour reprendre à peu près les grandes masses. Cela dit, ce n'est pas nié pour autant ce qui a été écrit dans le rapport de la DDPP, donc pour mettre les choses au bon endroit. Alors, par contre, sur les mesures sociales et écologiques, moi je vais juste reprendre quand même la politique de l'alimentation dans cette ville et puis on aura l'occasion d'en débattre. Alors on se voit assez régulièrement dans cette enceinte avec moins de monde, mais je reprends les points un par un. En septembre 2021, on a mis en place à Bagnolet, comme dans toutes les grandes villes écolos de France, l'option végétarienne quotidienne. Et je n'ai pas besoin de vous refaire le tableau sur l'impact de l'élevage, sur l'eau, sur les gaz à effet de serre, sur les usages des sols. On expérimente chaque année depuis le début du mandat, et on va le refaire en avril, mai et juin, les petits déjeuners dans les écoles. On a un contrat de fourniture de denrées, vous l'avez dit, avec Sodexo. Alors vous demandiez qu'on prenne exemple sur la ville de Montreuil, je vais le redire encore une fois, qu'on soit à Montreuil avec Sodexo qui livre un truc tout fait aux enfants, ou qu'on soit au Lila avec Elior, c'est la même chose. À la cuisine centrale de Bagnolet, on cuisine. Sodexo fait centrale d'achat. Ensuite, vous parlez d'un contrat au rabais. Juste un élément. Il y a dans ce contrat, qui n'est pas un contrat au rabais, puisqu'il se cale sur la dernière loi sur l'alimentation, qui est la loi Egalim, c'est un contrat où on a 50% de produits siglés, dont 20% de bio. Aujourd'hui, dans la restauration collective, dans toute la France, le bio, c'est 6%. À Bagnolet, on fait 22 en l'occurrence, mais disons 20. Si vous faites la différence entre les 6% partout en France, la moyenne, et les 20% qu'on fait à Bagnolet. Donc si toutes les villes de France réussissaient à faire 20%, il y aurait 1,5 milliard d'euros de plus d'argent dans la filière bio en France. Ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres de l'agence bio. Donc j'y tiens particulièrement. Pour autant, on ne se satisfait pas de ces constats et vous avez parlé d'un certain nombre de sujets. Sur la sortie du plastique, notamment, ça sera effectif à la rentrée scolaire, mais vous avez raison de le noter, c'est un élément extrêmement important. On travaille à l'augmentation justement de la part de bio dans les assiettes et on va jusqu'à repenser ou réinterroger nos relations contractuelles. Enfin, sur la question des tarifs que vous avez soulevé, pardon, quelques éléments. Comme on l'a redit à chaque fois ici, les tarifs de cantine, ils ont été modulés selon les revenus des personnes. Il y a 19% des familles à Bagnolet qui payent plus désormais pour la cantine. Il y a 81% des familles qui payent moins ou égal. Je parle de la cantine. Donc la ville, elle n'a rien gagné là-dessus. Elle a redistribué, hein, deux chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Donc c'est de remettre plus équitablement l'effort, et on assume que c'est une politique de gauche et qu'il faut redistribuer l'effort. Ensuite, ce qui a augmenté, puisque la facture que vous recevez, il n'y a pas une facture cantine et une facture périscolaire, vous avez ressenti une hausse, parce que ce qui a augmenté pour l'essentiel, c'est les tarifs périscolaires, l'accueil de loisirs. Effectivement, ça a augmenté un peu fort, notamment pour la tranche la plus haute, où en gros la journée du mercredi passait de 15 à 22 euros. C'était une mesure de rattrapage financier. La personne qui était là et qui s'en est occupée n'est plus là, mais en tout cas, en l'occurrence, cette facture du mercredi, elle va baisser, puisqu'on s'est rendu compte que la marche était trop importante. Vous dites qu'on n'écoute pas les parents. Si, on écoute les parents, c'est pour ça que vous êtes une fois par mois avec nous ici à l'hôtel de ville. Et pas pour faire des choses dans le vent. Ce que je viens de vous dire sur le mercredi, par exemple, c'est le cas sur la modification qu'on va faire au règlement de service pour que dans la rigidité que vous avez dénoncée, peut-être à raison pour partie, on va introduire de la souplesse, et vous le savez parce qu'on était ensemble, je perds le fil du temps, hier soir, je crois, ou avant-hier soir. Et on ne fait pas qu'écouter les parents, on anticipe aussi un certain nombre de sujets. Et c'est pour cette raison que la ville de Bagnolet va faire, comme la ville de Montreuil, un abattement pour les familles, enfin les personnes isolées, donc 95% les femmes, pour qu'il y ait un abattement financier sur les tarifs périscolaires pour ces familles-là. C'est une mesure de justice sociale qui a été mise en œuvre à Montreuil. Elle est, c'est une bonne mesure et on va l'appliquer à Bagnolet. Ça, c'était pour les éléments que je souhaitais vous apporter sur la partie périscolaire. Et on a envie de continuer à travailler avec les familles, ça ne va pas se faire dans une tour d'ivoire, mais vous avez soulevé un élément important qui était ce que vous avez appelé la rupture d'égalité, le fait que ce logiciel, aujourd'hui mal absorbé par tout le monde, l'était encore plus mal par les personnes qui sont les moins facilement usagères de ces éléments numériques. Alors, il y a un point d'accueil à la mairie pour ce faire, mais je voulais rebondir sur une proposition qui a été faite par mon collègue Chouki Haddad, qui s'occupe des centres socioculturels de la ville, il y en a 5, est mis en place là un accompagnement aux familles spécifique sur cet outil dématérialisé, justement pour les aider au long cours à se l'approprier, parce qu'on a besoin de cette dématérialisation, on a besoin d'être meilleur sur nos chiffres, et d'arriver à nos fins, qui est le bon nombre d'assiettes livrées et qu'on ne gaspille pas autant qu'on gaspillait avant. Donc voilà tous les éléments que je voulais vous donner. Je respecte votre mobilisation, votre vigilance. On a un engagement à travailler pour le bien de tous nos enfants et on va continuer à le faire ensemble et je ne doute pas qu'on va y arriver. Je vous remercie. Et rendez-vous demain pour les parents qui le souhaitent, comme je l'ai annoncé mardi, pour visiter la cuisine centrale à l'issue des travaux. Donc rendez-vous à 9h30 à la cuisine centrale. Merci Edouard. Nous avons ensuite une demande de prise de parole. Pardon ? Allez-y, Madame Desbordes-Sylly. Oui, merci. J'aimerais dire un mot en vitesse sur ce sujet de la restauration scolaire. Alors, Deux choses. D'abord, je pense qu'il faut que vous écoutiez les parents. Quand les parents vous disent qu'il y a un problème avec la Sodexo, il y a un problème avec la Sodexo. Il y a tellement un problème que vous vous êtes fait épingler au mois de décembre. Ben si, il y a un problème sur la cuisine centrale, sur l'équipement en tant que tel, qui est lié à sa vétusté, mais ça, on va y revenir, mais il y a un problème avec la Sodexo. Édouard Desnoël, lors du conseil municipal du 17 novembre dernier, vous avez été interpellé par des parents au sujet de l'affaire du riz périmé. Vous vous souvenez de cette affaire du riz périmé. Et vous avez dit ici dans cette enceinte, il n'y a pas de riz périmé, il y a une erreur d'étiquetage. En réalité, ce que dit le rapport, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage, c'est que c'était sur les recommandations de la Sodexo que le riz a été servi aux enfants. Donc on a un prestataire, un délégataire, à qui on confie l'éducation au goût, hein, puisque vous avez un diététicien ou une diététicienne de la Sodexo, qui autorise les agents, en leur disant qu'il n'y a pas de risque sanitaire, à servir aux enfants du riz périmé. Alors vous allez dire, oui, il est périmé, la date limite de consommation était dépassée seulement de 24 heures, mais quand même, il y avait un risque que le rapport montre. Le deuxième élément, c'est que vous entendez bien qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, et ça ne date pas d'hier, ça date d'un an où vous avez averti lors de la délégation de services publics à la Sodexo. On vous avait dit qu'il y avait qu'on allait au-devant de difficultés, on a voté contre. Quand vous parlez de Montreuil, alors renseignez-vous, parlez avec Patrice Bessa qui vous dira qu'il veut en sortir, qu'il regarde ce qui se passe ailleurs pour mettre en place une cuisine centrale, que ça ne donne pas satisfaction. Donc le dernier élément, on vous l'a demandé par écrit, c'est de mettre en place une commission extraordinaire sur les questions d'alimentation, de restauration. On ne vous demande pas de tout changer d'un coup de baguette magique, mais d'entendre et de co-construire une vraie politique de la restauration scolaire et de l'alimentation avec les familles. Écoutez, Mme Desbordes, je discute avec Patrice Bessac. Et il ne vous a pas échappé que, pour l'instant, le projet de construction d'aménagement d'une cuisine centrale à Montreuil n'est pas à l'ordre du jour, ou en tout état de cause, n'est plus à l'ordre du jour. Je vous invite à vous renseigner. C'est la raison pour laquelle la ville de Montreuil travaille également à des solutions avec le Siresco. C'est la raison pour laquelle on a également de notre côté engagé des discussions avec le Siresco, qui est un syndicat intercommunal présidé par Philippe Bouissou, qui est un maire du Val-de-Marne. Donc on réfléchit. Dire, comme vous le dites, qu'on a laissé la cuisine centrale à l'abandon, c'est faire fi des 900 000 euros d'investissement que l'on a consacré à la cuisine centrale au cours du précédent mandat. C'est certes pas suffisant, j'en conviens, le rapport le démontre. On a envisagé de faire 250 000 euros de travaux, on en fait 300 000. La solution de facilité aujourd'hui, et c'était des hypothèses qui étaient mises sur la table dans des rapports d'audit, ça aurait été de privatiser, d'externaliser complètement. On n'a pas fait ce choix. On considère, mais si, Mme Desbordes, je vous assure, on a fait le choix de garder cet outil public parce qu'on considère que c'est un atout pour la ville de Bagnolet. Alors, il y a des difficultés, on les affronte et on fait en sorte d'améliorer les choses. Si on rencontre sur les questions de périscolaire, de restauration, les parents une fois par mois, c'est pas juste pour occuper nos soirées, croyez-moi, on a autre chose à faire. C'est parce qu'à un moment donné, il faut construire, il faut co-construire. Et c'est vraiment le but de notre action. Si on doit créer une nouvelle commission en plus de la commission de Mini, on créera cette commission. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune difficulté. On veut travailler en co-construction, en toute transparence. Si j'ai convié les parents demain à 9h30 à la cuisine centrale, c'est pour venir constater la réalité des travaux. Voilà. Et vous êtes également la bienvenue, Madame Desbordes, demain matin. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Édouard. Oui, je voulais juste, j'avais sauté une ligne dans mon texte, je voulais juste dire qu'il n'y avait pas de commission de menu à Bagnolet, jamais. Bon, là, c'est la deuxième édition, les choses se mettent en place petit à petit. Vous étiez là à la réunion il y a 24 ou 48 heures. Vous avez pu voir que tout est abordé en transparence. C'est pas un satisfecit, mais on reste sur cette méthode de travail. Merci, Édouard. Le casque, demande d'intervention du casque. Madame Antoine, allez-y. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus municipaux, nous le répétons et nous le revendiquons, le CASC est une association, mais pas comme les autres. C'est une association anciennement dénommée Comité des œuvres sociales qui existe suite aux luttes de mai 1968 et des accords de Grenelle. Le personnel communal, poussé par la CGT et soutenu par la municipalité de Bagnolet, représentée par son maire, Madame Jacqueline Chonavel, a agi pour obtenir un comité d'entreprise doté des mêmes compétences et des mêmes moyens d'action que celui du privé. L'association a changé de dénomination en 2010 pour s'appeler CASC, Comité d'activité sociale et culturelle. Il s'agit de permettre à tous les agents de la ville, du CCAS et de l'EHPAD d'accéder à toutes les formes de culture, aux loisirs, au savoir et à la connaissance au même titre que le secteur privé. La création du CASC de Bagnolet a donc permis de rétablir une injustice entre la fonction publique et le secteur privé. Les agents subissent déjà de plein fouet l'inflation sur les produits de première nécessité. Monsieur le maire et les élus municipaux, en réduisant de plus de la moitié de la subvention au CASC pour la deuxième année consécutive, vous réduisez également leurs droits aux activités sociales et culturelles. Vous nous avez demandé à plusieurs reprises et dans votre courrier adressé à l'ensemble du personnel communal de vous communiquer le bilan comptable 2022. Or, nous vous avons répondu que nous ne pouvions vous transmettre ce bilan tant que le commissaire aux comptes n'avait pas effectué les vérifications comptables nécessaires à la sincérité ou non de ceci. Les vérifications ayant été faites à ce jour, nous vous rappelons qu'il doit être validé par le conseil d'administration et ensuite par l'assemblée générale des adhérents. Dans votre courrier, vous nous reprochez un excédent financier pour l'année 2021. Permettez-nous, monsieur le maire et les élus municipaux, de vous rappeler les raisons de cet excédent. Tout d'abord, en 2020, la plupart de nos activités ont été interrompues à cause de la crise Covid, et ce, jusqu'en juin 2021. Beaucoup de nos prestataires nous ont remboursé les sommes versées. De plus, les conventions qui nous liaient jusqu'à présent prévoyaient le versement de la subvention en deux parties, en février et en juin. Or, en 2020, le premier versement de 67 500 est intervenu mi-février et le solde 202 500 euros le 23 décembre 2020. En 2021, le premier versement de 135 000 euros a été effectué le 16 juillet et le solde de 135 000 euros le 5 décembre 2021. Heureusement que le CASC a un fonds de trésorerie afin de pouvoir pallier à l'achat de nos activités pour le début d'année, car le solde qui correspond à un gros montant est régulièrement versé en fin d'année. Pour rappel, une association de loi 1901 à but non lucratif ne peut pas prétendre à un prêt ou à un découvert. De plus, sur la base de l'excédent 2020, que vous avez décidé d'attribuer une subvention de 110 000 euros pour l'année 2022. Malgré cette diminution, les administrateurs du CASC ont décidé de maintenir, voire de rajouter des activités pour ne pas dépénaliser une fois de plus les agents au vu du contexte social difficile, ce qui a impacté le bilan financier de 2022 qui sera de ce fait déficitaire. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir rétablir le montant de la subvention de 270 000 euros. Ainsi, nous vous remettons à ce jour la pétition signée par les agents pour la pérennité de notre CASC. Le conseil d'administration remercie le maire et les élus municipaux pour votre écoute et espère avoir été entendu et compris. Alors, quelques éléments de précision, Madame Antoine. Donc, effectivement, la subvention de la ville de Bagnolet à l'association Casque en année pleine avant Covid, c'est 270 000 euros. En plus des deux agents équivalents temps plein mis à disposition gratuitement et gracieusement par la ville à l'association, et en plus des locaux mis gracieusement par la ville à disposition. Donc ça, c'est le cadre global du soutien de la ville au casque, auquel nous sommes tous attachés, et n'a pas répondu aux sirènes qui nous proposaient à un moment donné de confier les missions que vous exercez au CNAS, au plan national. Des éléments de précision. Effectivement, période Covid, excédent budgétaire de 160 000 euros. Excédent budgétaire de 160 000 euros. Donc, de manière logique, et après avoir rencontré votre prédécesseur, je lui ai annoncé que la ville allait diminuer d'autant la subvention, ce qui me paraît normal. L'excédent aussi important, on a diminué la subvention à 110 000 euros. Les derniers comptes certifiés que vous avez bien voulu nous communiquer, parce qu'il y a eu plusieurs échanges avec la Direction générale des services de la ville, avec moi-même en janvier, nous vous avons demandé les bilans certifiés 2022, votre projet d'activité 2023, le bilan d'activité 2023. Les derniers bilans, le dernier bilan certifié au 31-12-2021 fait état. Le dernier bilan certifié au 31-12-2021 fait état de report à nouveau d'un montant de 356 000 euros. Le dernier bilan certifié communiqué à la ville au 31-12-21 fait état d'un montant de fonds propres de 460 000 euros. 356 000 euros de report à nouveau, 460 000 euros de fonds propres. Donc ça, ce sont les comptes certifiés que vous nous avez communiqués. Donc nous attendons, donc vous doutez bien qu'avec de tels chiffres, nous ne sommes même pas en capacité de vous verser quoi que ce soit, puisque une association n'est pas censée réaliser des reports. Et avec un tel montant de fonds propres, on peut s'interroger sur la destination des comptes. Et il ne s'agit pas de mes sous, mais on va être amené à rendre compte à la Chambre régionale des comptes dans les prochains mois de la gestion de la ville et notamment de ce type de choses. Donc nous vous avons demandé depuis un bon moment la communication de vos bilans certifiés 2022. Donc nous les attendons, nous les vérifierons, nous les analyserons et nous en rediscuterons. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire comme si il n'y avait pas deux équivalents temps plein mis à disposition par la ville, des locaux. Et d'ailleurs, nous vous avons proposé à plusieurs reprises. Vous savez, si on souhaitait densifier la ville comme on nous le reproche parfois, on pourrait faire une très belle opération immobilière sur le 15 PVC. Et à un moment donné, on avait envisagé d'y construire des logements sociaux avec l'OPH de Bagnolet, mais c'était un peu trop cher pour l'OPH de Bagnolet. Donc on vous a proposé au moins deux reprises de venir occuper, prendre possession de bureaux, de locaux au sein de la ville. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est attendu par vos collègues agents de la ville. Je vous assure, c'est quelque chose qui est très attendu, c'est de venir prendre possession de bureaux ici dans l'hôtel de ville, et ça permettra de faire un certain nombre d'économies, que ce soit au niveau des fluides, etc. etc. Donc, 356 000 euros de report à nouveau, 460 000 euros de fonds propres. Donc, nous attendons vos bilans financiers pour 2022 et nous en rediscuterons. Voilà. Merci. Moudjenan. C'est par rapport au casque. Hein. Merci. Oui, le casque est une association indépendante dirigée par un conseil d'administration élu par les agents sur un programme qui fait profiter tous les agents. Dans la situation que nous connaissons en France de crise sociale et de forte inflation, si notre conseil municipal souhaite apporter un soutien aux agents à travers le casque, il doit alors lui donner les moyens qu'il demande. Il est bien de rappeler, en ces moments de grande mobilisation sociale contre la réforme injuste des retraites, des coups donnés par la droite et son soutien à l'extrême droite contre les acquis sociaux dans notre peuple, à un moment où nous faisons face à une inflation galopante, de rappeler que ces acquis, nos services publics, nos congés payés, les activités culturelles et sociales pour les salariés, on doit les défendre comme la prunelle de nos yeux. Je rappelle que nous fêtons cette année les 87 bougies des congés payés. Une idée qui a émergé dans les années 20 en France. Dès 1926, le congrès de la CGT a revendiqué le droit à des congés payés. À l'époque, mériter d'être payé à ne rien faire, comme le bonheur et le droit d'accéder aux loisirs, était une idée neuve. Il aura fallu des grandes grèves de mai et juin 1936 pour que le patronat et le gouvernement cèdent au Front populaire. La loi est votée à l'unanimité par les députés. Elle prescrit un minimum de 2 semaines de congés par an pour tous les salariés français liés à leur employeur par un contrat de travail. Et une grande avancée sociale. Dès l'été 36, ce sont 600 000 salariés qui profitent de cette nouvelle conquête sociale pour jouir de vacances au bord de la mer ou à la campagne. Mais c'est à la Libération, sur la base du programme du Conseil national de la Résistance, et plus particulièrement avec la création des comités d'entreprise, que la notion de vacances pour tous commence à prendre tout son sens. La suite, vous la connaissez, la démocratisation du droit aux vacances après son envol pendant les Trente Glorieuses. Aujourd'hui, la crise sociale que nous connaissons, une inflation galopante, comme je le disais, moins de 6 Français sur 10 partent en vacances l'été selon l'INSEE. Parmi ceux qui ne partent pas, 4 sur 5 n'ont pas pris de vacances en raison de contraintes financières principalement, mais aussi familiales, professionnelles, de santé ou autres, et non par choix. Le niveau de vie reste le facteur le plus déterminant pour expliquer qu'un ménage part ou non en vacances. Par ailleurs, les inégalités de taux de départ doublent selon la nature même des vacances. Durée, destination, mode d'hébergement. Accéder aux congés payés ne rime donc plus nécessairement avec vacances. D'autant que l'on peut discuter de la définition même de vacances. En effet, peut-on réduire le terme vacances à au moins 4 jours en dehors de son domicile. Les comités d'entreprise, les CASC, les COSC, sont des vecteurs importants pour rétablir les inégalités d'accès aux vacances et aux activités culturelles et sociales. Dans ces moments de grande bataille et mobilisation sociale, pour sauvegarder nos acquis, notre Conseil a apporté son soutien aux organisations syndicales qui mènent la bataille. Je pense qu'il y a un geste que nous devons faire ce soir, nous, conseillers municipaux de gauche. Il y a un geste à faire aux salariés et à leurs représentants du CASC. C'est de les entendre, de leur donner les moyens qu'ils demandent pour mener leur activité et de leur allouer le budget qu'ils demandent et rétablir la subvention. Et enfin, une dernière proposition, celle de signer avec le représentant du CASC une convention de mandat qui peut à elle seule sécuriser l'équivalent comité d'entreprise. Cela leur permet de faire leur projet et de s'organiser sur un long terme et de voir venir les choses. Je vous remercie. En fait, Monsieur Djéan, nous sommes tous attachés au CASC. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous n'avons pas adhéré au CNAS et que nous n'avons pas redéployé les 2 agents mis à disposition au sein des services de la ville. Donc nous attendons les comptes et on en rediscutera. Donc nous allons démarrer l'ordre du jour du Conseil municipal avec... Je tiens à saluer l'arrivée de M. Daniel Séguin-Cadige, qui est derrière moi et qui est le nouveau directeur général des services de la ville de Bagnolet. Vous dire que les délibérations 11 et 12 qui concernent le projet avec FH Immobilier et sont retirées de l'ordre du jour puisqu'il doit faire l'objet d'ajustements. Monsieur le maire, ouais. Est-ce que je peux faire une déclaration par rapport à la situation politique au 49.3 du gouvernement allez-y, ce soir? Allez-y. Merci. Allez-y. L'actualité politique nous oblige. Le président de la République sort une nouvelle fois le 49-3 pour faire passer en force sa réforme des retraites injuste. Depuis le début du débat à l'Assemblée nationale, le parti unifié de Macron, Borne, Ciotti, avec le soutien tacite des lépinistes, n'entend aucun argument et veut coûte que coûte faire appliquer ce texte, même sans vote. Pour ce faire, il utilise tous les artifices constitutionnels à sa disposition pour opérer un coup de force. Malgré les efforts du gouvernement pour masquer les effets néfastes de la réforme, les citoyens ne se trompent pas. À plus de 70% d'entre eux, ils la rejettent. Car ils savent qu'elle est injuste et décidée dans le secret des alcôves ministérielles et élyséennes, vraisemblablement avec les cabinets privés, des conseils chargés de maintenir les travailleurs sous le joug du capitalisme. Le puissant mouvement social en cours, avec une intersyndicale unie, et une opposition de gauche combative et unie, et une absence de majorité absolue du pouvoir macroniste à l'Assemblée, rappelle à leur bon souvenir les premiers de corvée, les travailleurs qui triment pour des salades de misère, alors que les produits de première nécessité flambent. Mais de ça, ce gouvernement n'en a que faire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose que l'on reprenne le vœu que nous avons voté au dernier conseil, que l'on réaffirme notre soutien au mouvement social en cours, que l'on déclare Bagnolet ville mobilisée contre la réforme des retraites de Macron-Borne, que l'on dise que Macron et son gouvernement portent l'entière responsabilité du blocage du pays et que l'on fasse, et non, il affiche avec ce vœu, avec les signatures des élus municipaux à placarder sur les panneaux d'affichage de la ville. Notre mobilisation pour faire échouer ce projet du gouvernement, non seulement les Français ne trameraient plus 2 ans de plus, mais les syndicats et les partis de gauche en ressortiraient renforcés et légitimés. Merci. C'est Émilie Trigault. Merci Mohamed, mesdames et messieurs, chers collègues. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense dans la réponse qu'on va t'apporter. On est évidemment en accord avec tout ce que tu viens de dire. Et simplement, je voulais juste en profiter. L'intersyndicale nationale vient de sortir de leur réunion et annonce. Du coup, je vous lis le dernier paragraphe, comme ça on en a même la primeur. Bon, il y a 4 paragraphes qui rappellent tout ce que tu viens de dire globalement et qui terminent par « Forte du soutien de la grande majorité de la population mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance. Dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et manifestation le jeudi 23 mars prochain. Je vous propose évidemment qu'on soutienne ce texte-là. On peut reprendre le vœu qu'on avait voté la dernière fois et toutes les modalités que tu as proposées, mais qu'on peut réfléchir ensemble. De toute façon, on sera partant. Merci. C'est parfait. D'autres interventions sur le sujet ? Donc on est d'accord. Le premier point de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 2 février. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 2, rapport de situation d'égalité entre les femmes et les hommes. Caline Tribic. Bonsoir à tous. L'égalité réelle entre les femmes et les hommes se construit de manière collective, mais aussi par une prise de conscience individuelle. Ce document obligatoire est un véritable support pour orienter nos politiques publiques. Comme vous pourrez le voir, il est composé de 4 parties. La première est la politique de la ville, une politique toujours déterminée pour le respect de l'intégrité et de la dignité des femmes, dont je vais vous lire rapidement les grandes parties. Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner. Encourager une éducation inclusive et faire reculer les préjugés. Promouvoir une éducation non genrée et non sexiste, lutter contre les violences faites aux femmes et les droits des femmes, promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La deuxième partie est la partie ressources humaines, donc la partie qui concerne les agents de la mairie. Là encore, j'ai souligné quelques points que je vais rapidement vous lister. On pourra noter de manière générale un effectif féminin dans les agents de la mairie à 58%, marqué par de fortes disparités selon les filières, un âge moyen équivalent, quel que soit le genre, pour les emplois permanents, des avancements de grades et promotions internes relativement équilibrés, des titularisations favorables aux femmes, une rémunération toujours inégale, même si ce chiffre est en réalité, comme j'avais expliqué l'année dernière, un peu tronqué par des faits comme les congés maternité et les congés parentaux, près de 2 fois plus de formation chez les femmes, un temps de travail globalement équivalent. Le temps partiel est une affaire de femmes et de catégories hiérarchiques. Ça, c'est très inégal. Le congé parental, seules les femmes ont fait une demande de congé parental en 2020 à Bagnolet. Le congé paternité, seulement 4 congés paternité ont été recensés en 2020. Le taux d'absentéisme, l'absentéisme est plus important chez les femmes, et notamment pour maladies ordinaires et autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants. Voilà les points que je voulais souligner dans la partie numéro 2. La partie numéro 3 est l'état des lieux du territoire avec les données de l'INSEE. Plusieurs points notables. Population à peu près égale entre hommes et femmes. La différence entre le nombre d'hommes et de femmes sans... Pardon, là je suis passée à l'emploi. La différence entre le nombre de femmes et d'hommes sans activité professionnelle. Un travail sur l'insertion professionnelle des femmes est en cours avec Manon Chrétien notamment et Est Ensemble. Le nombre d'employés est beaucoup plus fort chez les femmes. Concernant ensuite les couples, les familles, les ménages, le nombre de ménages d'une personne augmente chaque année. Le nombre de femmes seules est plus important. Il y a quasiment 5 fois plus de femmes seules avec enfants que d'hommes. Ce chiffre tend à diminuer avec les années. Un accompagnement spécifique des femmes seules avec enfants qui doit se poursuivre, accès au logement, garde d'enfants, faciliter l'accès à la santé et au transport. En ce qui concerne les diplômes, la formation, les études, les chiffres sont équivalents jusqu'à 25 ans, puis nous pouvons remarquer une fracture entre les femmes et les hommes. Les femmes sont davantage scolarisées que les garçons. On revient à l'emploi, il est à noter qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes salariés. En revanche, la part des femmes non salariées, donc chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, est très faible par rapport à celle des hommes, 3 fois moins. Il est à noter que la répartition des emplois selon le secteur d'activité est encore très genrée, notamment en ce qui concerne la construction. Il est à noter la proportion très faible de femmes comme employeuses. Il y a 4 fois plus d'hommes employeurs. Voilà pour cette troisième partie. Et concernant la dernière partie, pardon, je me perds dans mes notes. La dernière partie est le corpus réglementaire, donc je vais vous en épargner la lecture. Pour conclure, l'engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes doit être effectif à tous les niveaux, à commencer par la carrière des agents et des agentes et la qualité de vie au travail. S'engager pour l'égalité réelle, c'est aussi agir pour l'ensemble de la population bagnoletaise et par notre volontarisme politique, faire que chacun, chacune s'engage à nos côtés dans ce combat féministe et humaniste. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2023, de nombreux chantiers sont lancés, comme la mise en place d'un dispositif de signalement de harcèlement et violence au travail, le dégenrage des espaces publics en commençant par les cours d'école ou encore l'accès à toutes les agentes de protection périodique, bio et gratuite. Les femmes doivent reprendre l'espace et la parole qu'on leur a si souvent confisqués. L'année 2022 a été marquée par un nombre conséquent de féminicides en France, qui augmente chaque année, la remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis et la guerre en Ukraine. Les femmes sont les premières victimes des violences faites par les hommes, partout dans le monde, y compris à Bagnolet. C'est pourquoi nous continuerons à lutter ensemble pour construire une ville où règne la delphité et la solidarité. Merci. Merci, Kaline. Des interventions, Mohamed Jenan. Merci, Monsieur le maire. Une intervention générale sur la situation des femmes en France. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui se pose avec urgence face à la contre-réforme sur les retraites du gouvernement qui va avoir des effets désastreux pour les femmes. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Et 10 ans, dans la période actuelle, les crises ne manquent pas, tout comme les attaques contre les droits des femmes. Comment ne pas évoquer le débat qui a animé, fin d'année 2022, une partie des parlementaires de droite et d'extrême droite sur le refus d'inscrire dans la Constitution le droit fondamental à l'IVG. Et si cette proposition a été acceptée, après nombre d'amendements à l'Assemblée nationale, l'interprétation qui en ressort du Sénat est de nouveau inquiétante. Nous ne sommes plus face à une constitution qui garantit le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire un droit que doit garantir l'État sur tout le territoire, mais face à une constitution qui détermine les conditions dans lesquelles s'exerce l'IVG. En 2023, qui aurait pu imaginer que le droit de disposer librement puisse faire encore tant de débats et accouche d'une si petite souris qui malheureusement ne garantit en rien l'accès aux femmes à des structures pratiquant l'IVG sur l'ensemble du territoire national. Et que dire des batailles nombreuses pour permettre une véritable égalité entre les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui en partie niées. Celle sur les violences conjugales ou celle des violences sexuelles où les femmes représentent pour chacune d'entre elles 87% des victimes. Les associations féministes réclament depuis des années des moyens. 1 milliard pour prendre en charge ces femmes et les accompagner face aux urgences qu'elles rencontrent. Pour l'heure, sans bouger du gouvernement, alors que la situation, elle, s'aggrave. En 2021, 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France. soit 21% de plus qu'en 2020. Nous pourrions également citer le chiffre annoncé en mars 2022 à l'occasion de la 20e rencontre départementale de l'Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis. Entre 2017 et 2021, les plaintes contre les faits de violence conjugale sont en augmentation de 84%. Et dans le même temps, aucune réflexion réelle est menée pour permettre la mise en place d'une juridiction particulière pour les violences sexistes et sexuelles afin de réduire les délais de traitement. Il y a aussi les inégalités du quotidien, où 27% de femmes contre 8% d'hommes prennent un temps partiel pour assurer la charge des enfants. Ou encore, celle sur les passages audiovisuels, où si les femmes ont un taux de représentation à la télé et à la radio de 44%, le temps de parole plafonne à 36% depuis 2019. Un soir, belle et tais-toi, à peine voilée. Dans notre département, notre ville, cette inégalité entre les femmes et les hommes se traduit également par un réel écart sur le niveau de vie. Ainsi, les mères célibataires ont un niveau de vie inférieur de 18% à celui des pères célibataires. Pour mémoire, en Seine-Saint-Denis, 82 480 femmes vivent seules ou avec plusieurs enfants. Ainsi, plus d'un tiers des mères célibataires, soit 36%, vivent sous le seuil de pauvreté. Et cette situation n'est pas prête de s'arranger avec l'augmentation des prix des produits de quotidien, avec l'inflation. Bien au contraire, tout est en ordre pour continuer à plonger un plus grand nombre de nos concitoyens, et particulièrement des concitoyennes, dans la précarité, pour ne pas dire dans la pauvreté. En colère, oui, en colère, contre un président de la République qui a voulu instrumentaliser le combat de Gisèle Halimi. Alors, Monsieur le Président, si Gisèle Halimi a toute sa place comme militante pour les droits des femmes au Panthéon, la ficelle est un peu grosse. Comment ne pas être en colère alors qu'au moment où il rend hommage à cette avocate notamment connue pour le procès de Bobigny en 72, on avait obtenu la relaxe d'une mineure jugée pour avoir avorté après un viol, ouvrant ainsi la voie à la dépénalisation de l'avortement 3 ans plus tard. Et dans le même temps, dans un pays comme le nôtre, nous ne sommes toujours pas capables de voter une loi permettant de garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Comment ne pas être en colère alors qu'au moment où il rend hommage à cette femme, qui s'est battue pour améliorer les conditions d'existence de l'ensemble des femmes, et en même temps, il continue à accroître les inégalités entre les femmes et les hommes avec une réforme injuste. Je reprendrai les mots du fils de Gisèle Halimi à l'annonce de cet hommage, qui, tout en refusant d'y participer, déclarait « Le pays est mobilisé contre un réforme des retraites extrêmement injuste dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes. » Serge Halimi soutient aussi que sa mère aurait défendu la cause et manifesté à leur côté, et qu'aujourd'hui, manifester, ce sera la meilleure façon d'honorer sa mémoire et son combat. Après plus de 3 ans de demandes sans réponse par de nombreuses associations dont choisir la cause des femmes, le président a choisi, au pire, une méthode qui relève d'une instrumentalisation politique et au mieux d'un hommage au rabais qui aura mis bien du temps à se faire. Loin de l'honneur que devrait être donné à la militante féministe, non consensuelle avec ses engagements dans des luttes sociales, anticapitalistes, antiracistes ou pour la cause palestinienne qu'était Gisèle Halimi. Pour honorer la mémoire de Gisèle Halimi et de toutes les féministes qui se sont battues pour faire croître les droits des femmes et de l'ensemble de la société, M. Macron aurait mieux fait de proposer une loi pour garantir enfin une véritable égalité salariale en France. Aujourd'hui encore, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Ainsi, à travail égal et à volume de travail égal, l'écart de rémunération entre hommes et femmes est de 15% dans le secteur privé et de 12% dans le secteur public. Ainsi, à cet écart, les femmes travaillent gratuitement à partir du mois de novembre. Sur une année, comment imaginer meilleure exploitation? Pourtant, dans le même temps, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Plus diplômées que les hommes, mais moins nombreuses parmi les cadres. En 2020, 42% des femmes âgées de 24 à 64 ans étaient diplômées du supérieur, contre 67% des hommes. Cependant, dans le même temps, cette même année, les femmes n'étaient que 43% parmi les cadres. Simone de Beauvoir, encore une fois, l'a affirmé. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qu'elle a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Aujourd'hui, la contre-réforme sur les retraites repose en grand l'égalité entre les femmes et les hommes. Plus que jamais, le combat contre la réforme des retraites est un bout de combat, du combat féministe que nous devons mener. Face à des carrières professionnelles plus courtes, souvent hachées et moins rémunérées, les femmes perçoivent des pensions de retraite 40% inférieures à celles des hommes. En moyenne, en 2019, elles partaient un an plus tard à la retraite que les hommes. Et avec la proposition de réforme, les femmes verront leur durée de cotisation plus allongée que celle des hommes. 9 mois en moyenne pour une femme née en 72 contre 5 mois pour un homme. Bref, les femmes sont les grandes perdantes au plan de la réforme des retraites. Elles sont déjà 40% à partir avec une retraite incomplète, 37% à être sans emploi au moment du départ avec une retraite 40% inférieure à celle des hommes. Reculer l'âge à 64 ans avec 43 annuités serait donc faire un bond dans le passé. Ce serait accentuer les inégalités d'où qu'elles soient, salariales, carrières et horaires hachés, temps partiel, diminution des trimestres cotisés pour congés, maternité et parentaux. Pour les femmes, comme pour les plus modestes et celles et ceux qui exercent un métier pénible, cette réforme est injuste et brutale. Et il est essentiel que nous soyons nombreuses et nombreux à faire connaître les méfaits de cette contre-réforme et à nous mobiliser ensemble. Enfin, excusez-moi de conclure avec une citation de l'homme de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a laissé de nombreux écrits en faveur de leurs droits civils et politiques et qui déclarait, je cite, « que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. À nous, plus que jamais, de contribuer à la concrétisation dans le réel de cet objectif. » Je vous remercie. Solène Le Bouris. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, vous présentez un rapport détaillé avec des données bagnoletaises et nous remercions la chargée de mission et son assistante pour ce travail qui nous a tant manqué l'an dernier, comme quoi nous n'avions pas tout à fait tort. Cependant, on y découvre des actions qui montrent que la communication reste très légère et c'est fort dommage car les actions ne sont pas assez mises en valeur. Il y a là très certainement une marge de progression, à plus forte raison pour en faire des actions récurrentes et asseoir véritablement des politiques publiques au service de l'égalité. Par exemple, l'année dernière, j'avais abordé un sujet qui me tient à cœur, celui de la précarité menstruelle. Vous avez été attentive à cette sollicitation, mais sur ce sujet, comme sur d'autres, il est nécessaire d'envisager la pérennité des actions et ne pas se contenter d'actions one-shot. Une réflexion collective sur la création d'une maison des femmes me semblerait pertinente. C'est parce que je ne suis pas qu'une passionnariat que nous saluons la définition d'une feuille de route et d'un plan d'action sur 3 ans. Bien évidemment, nous en suivrons l'avancement avec l'attention et l'exigence bienveillante que ce sujet mérite. Car vous l'avez compris, pour aller au-delà des mots, il faut des actes forts. Les bagnoletaises doivent se sentir soutenues, en sécurité. Pour créer une ville plus sûre, il devient primordial de défendre un commissariat de plein exercice à Bagnolet. À cette occasion, je tiens à saluer le travail des agents de police des Lilas sur l'accueil des victimes. Ce rapport souligne l'importance de la mixité dans les associations sportives de la ville et cite 4 exemples plutôt vertueux. Je vous propose d'aller plus loin en rendant inéligible toute association qui ne répondrait pas à ce critère. Le sexisme ne doit pas être toléré en 2023. Il ne peut pas non plus être subventionné. Le rapport social unique indique qu'il y a encore des filières genrées, mais cela est un fait sociétal. Et la partie 2 qui est annoncée dans la délibération comme devant contenir des indicateurs est essentiellement descriptive. Elle n'est pas pour autant inintéressante. On notera particulièrement que dans les effectifs de la ville, les femmes sont plus nombreuses, 58%, mais qu'elles représentent 62% des contractuels, donc soumises à une forme de précarité institutionnalisée. Dans les 2 filières, où elles sont dominantes en nombre, administratif et médico-social, elles représentent respectivement 69% et 100% des catégories C. Si on aborde le concept de plafond de verre, il est massif dans 4 filières, administrative, médico-social, culturelle et animation. Comme personne ne devrait se satisfaire de telles données et sans assommer l'assistance de chiffres, j'aimerais donc bien savoir quels dispositifs sont mis en place ou sont en cours de réflexion pour permettre plus de mixité et d'accès de toutes à la diversité des emplois et de responsabilités dans la fonction publique territoriale. Je vous remercie. Merci. Caline, parce que Solène, tu ou vous remerciez la chargée de mission et son assistante pour le travail réalisé dans l'élaboration de ce rapport. Permettez-moi de remercier Caline Tribic pour le travail qu'elle a réalisé dans l'élaboration de ce rapport. Caline, tu as la parole. Alors, merci Solène pour ces bons conseils. Le service communication, donc Chloé Philo et moi, allons réfléchir à vos propositions de meilleure communication. La Maison des Femmes, c'est drôle que vous en parliez parce que précisément, c'est en cours. Et on vient au dernier bureau municipal d'octroyer un local à la Maison des Associations pour cette Maison des Femmes, à l'instar de celle de Montreuil ou de Saint-Denis qui sont formidables. Organisée par deux bagnoletaises en plus, donc c'est vraiment maison. Et on est bien d'accord avec vous, parce qu'on trouve que l'offre actuelle contre les violences faites aux femmes était insuffisante. Donc il y a évidemment, vous le savez aussi bien que moi, Solène, la permanence SOS Violence 93 tous les mercredis, mais c'est limité parce que c'est qu'un jour dans la semaine. Il y a évidemment le FIT à la haut, mais c'est limité aux femmes de moins de 25 ans. Donc voilà, on a les mêmes idées, c'est en cours, pour votre plus grand bonheur, j'en suis certaine. Au bonheur de toutes les femmes, surtout les femmes qui aiment les femmes, Solène. Comme vous, indéniable, de plus en plus féministe à chaque conseil municipal, c'est merveilleux. Enfin, vous blaguez, mais moi je ne blaguerai pas parce que la question elle est vraiment sérieuse. C'est bien beau de enfin là, excusez-moi, mais vous, bon, je, excusez-moi, mais c'est fou comme c'est devenu une cause. Mais, excusez-moi, mais enfin je comprends pas votre ton condescendant. Déjà, féministe, encore heureux que nous le sommes. Mais tous encore dans cette heureux. Salle. Absolument. Je pense que la démocratie fait que j'ai quand même le droit de dire, de travailler sur le dossier. Mais et travailler, ce que j'en travailler, pense. Travailler. Oui, bah, merci, je vous remercie, Madame Frédéric. Mais ceci étant dit, voilà, le féminisme, c'est l'affaire de toutes et de tous. Ce n'est pas la bien d'accord. D'ailleurs, les chiffres que vous avez soulignés, Monsieur Djenani, vous ressemblent énormément à ceux que j'ai soulignés aussi dans ce rapport. C'est drôle. Je ne comprends pas le ton, en fait, parce qu'il n'a pas lieu d'être. Je ne le comprends pas. Mais bon, peut-être que c'est une histoire entre vous et vous-même. Je ne sais rien. Doit être ça. Voilà. Oui, je pense, certainement. Madame Trébuc, moi, c'est une question sur laquelle on peut s'entendre. Je ne comprends pas votre intervention. Ah, alors laquelle, la dernière partie de votre intervention. Non, la dernière partie. Alors, je réponds à vous, madame... Vous êtes contente parce qu'on est féministe, je ne comprends pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, vous noterez que j'ai rien dit sur votre intervention qui était un peu longue et un peu nationale, mais brillante et intéressante parce que truffée de chiffres intéressants et pas de reproches et pas de frustrations et d'aigreur. Voilà. C'est quand je sens un ton de l'autre côté un peu moins agréable et des petits conseils un peu moralisateurs, je réponds, je suis désolée, que la com et moi, on va tenir compte des bons conseils de madame Le Bourris et que la Maison des Femmes, c'est en cours. Pour les associations sportives, je vous promets d'engager un travail avec mes collègues Yasmina Sadoud et Mona Bellil pour essayer de faire au mieux et on vous tiendra au courant. Il existe le travail d'ailleurs. Il existe, mais comme je ne sais pas répondre à tout, parce que moi je ne suis pas experte en tout, eh ben, je peux vous amener prochainement des réponses précises. Madame Desbordes-Silly. Bon, pardonnez-moi, je vais prendre la parole. Donc, on va s'exprimer tous les trois, mais ce n'est pas souvent qu'on peut parler de droits des femmes dans cette enceinte. C'est à peu près aller deux fois par an en novembre, autour du 25, et puis évidemment lors de l'examen du rapport d'égalité de situation comparée entre les hommes et les femmes. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi on débat aujourd'hui ou pourquoi Mme Trébuc nous présente le rapport de situation comparée? Parce que c'est une obligation légale depuis pratiquement 10 ans. Les collectivités de plus de 20 000 habitants ont l'obligation de présenter préalablement au rapport d'orientation budgétaire dont on va parler dans un instant, un rapport de ce qu'on appelle, un jargon un peu techno, mais un rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes de la commune qui met en exergue, en évidence, d'une part les inégalités et les discriminations que subissent les femmes et le plan d'action qui est proposé par la commune afin de lutter contre ces discriminations de genre. Alors je voudrais redire une chose que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont oublié, c'est que l'année dernière, Solène l'a redit, on n'a pas eu ce rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Lors du conseil municipal du mois de mars 2022, avant le débat d'orientation budgétaire, vous avez présenté à la place du rapport d'égalité hommes-femmes le rapport social unique. Alors le rapport social unique, c'est la deuxième partie de ce que Caline Trivic a présenté. C'est ce qu'on appelle, c'était avant, on appelait ça le bilan social, qui sont des données, des indicateurs chiffrés, qui sont, en fait, le bilan social, c'est un outil de gestion RH. Bien, ça peut être intéressant parce qu'il y a des indicateurs, mais ça n'est pas un rapport de situation comparée. Alors évidemment, on a relevé la supercherie, on vous l'a fait remarquer. J'indique quand même que l'examen, la présentation d'un rapport de situation comparé est une obligation légale et que, en cas de non-présentation de ce rapport ou de présentation d'un rapport qui n'est pas tout à fait celui qui doit être présenté, on aurait pu, le budget peut être entaché d'illégalité. Alors, comme vous êtes habile, qu'est-ce que vous avez fait ? Au mois d'avril, vous avez représenté le même rapport, le même bilan social. Alors, vous l'avez un peu expurgé de certains indicateurs, vous l'avez relooké, il y avait une page de garde, et vous l'avez rebaptisé rapport égalité homme-femme. Mais c'était le même. Bon, voilà, je referme la parenthèse, mais c'est quand même... Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que vous avez pris des libertés avec la loi, on va en reparler, hein. On ne présente pas un ROP sans un rapport d'égalité homme-femme, mais surtout, vous n'avez pas jugé utile l'année dernière, pour des raisons qui vous appartiennent. Alors, vous allez me dire, il n'y avait pas de chargé de mission, mais enfin, je suppose que vous avez dans les services d'autres agents et d'autres agentes qui auraient tout à fait pu s'en emparer, de même que vous avez une conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, vous auriez dû et pu présenter ce rapport l'année dernière. Bien. Alors, cette année, vous nous faites l'honneur de présenter ce rapport. Mohamed a déjà dit un certain nombre de choses, mais je pense que pourquoi on s'exprime tous les trois longuement sur la question des inégalités. Un certain nombre de chiffres ont été dits, mais je crois qu'on peut en redire rapidement certains. Bon, évidemment, les retraites, on en a beaucoup entendu parler, je ne reviens pas, je ne m'appesantis pas, mais c'est 40% de pensions inférieures à celles des hommes. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a révélé le mois dernier que le sexisme perdure et que ses manifestations les plus violentes s'aggravent. C'est tout à fait essentiel. Ça veut dire qu'on n'en sort pas et même que le sexisme s'aggrave. 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. 30% des femmes ont subi du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Et enfin, évidemment, le chiffre le plus terrible, c'est une femme meurt tous les trois jours, sous les coups d'un homme. Alors, l'égalité des droits, évidemment, elle est acquise. C'est ce que dit la droite bien-pensante, hein, que le patriarcat est aboli. Alors évidemment, l'égalité des droits est acquise, mais l'égalité de traitement reste à conquérir. L'égalité de traitement reste à conquérir. Et ça passe par le dévoilement des violences intrafamiliales, des violences conjugales, des violences qui sont exercées dans la sphère privée, qui doivent être rendues visibles. Ça passe par la tolérance zéro vis-à-vis des agressions sexistes, du sexisme, comme le rappelait Solène, par la promotion de la mixité des métiers ou des filières d'orientation, et par un allègement des contraintes de la vie quotidienne qui pèsent sur les femmes et les éloignent de l'emploi. Alors, le rapport, néanmoins, bon, on est critique, c'est notre rôle, mais le rapport qui est présenté cette année est complet. Et il est complet, il est intéressant parce qu'une vingtaine d'actions ont été menées en 2022 et ces actions sont ponctuelles ou pérennes. Sont d'une grande qualité et tout à fait essentielles. Alors, il y a eu des interventions, des expositions, et puis, comme l'a rappelé Solène, et Solène Le Bourrise, vous l'avez suggéré fortement l'année dernière, un programme de lutte contre la précarité menstruelle avec la mise à disposition de distributeurs de protection périodique gratuite. Alors, je pense que c'est en cours, ça ne doit pas être terminé. Voilà, et évidemment, des interventions au milieu scolaire sur la prévention des abus sexuels, la présentation des moyens de contraception ou la pratique de l'IVG médicamenteuse. On salue d'ailleurs l'implication des acteurs associatifs, des personnels d'éducation, des enseignants et bien sûr, le personnel du centre médical de santé qui joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes sur le territoire de Bagnolet. Je voudrais également mettre en exergue deux éléments qui apparaissent très clairement dans ce rapport. Le premier élément, c'est un chiffre qui est extrêmement préoccupant. C'est le chiffre des consultations pour violences qui ont eu lieu à Bagnolet en 2022. En 2022, il y a eu 89 femmes qui ont consulté au centre de santé pour des violences conjugales ou des violences sexuelles. 89. Et 63 jeunes femmes de 15 à 25 ans qui ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles et qui ont été accueillies au LAO. Entre septembre et décembre 2022, 83% des consultations en psychotraumatologie au centre de santé concernaient des femmes qui présentaient un stress post-traumatique à la suite de violences conjugales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, vous l'avez rappelé, la très forte ségrégation professionnelle des femmes dans l'administration de la ville. Les filières demeurent extrêmement genrées, trop genrées. 70% d'hommes dans la filière technique et 90% de femmes dans la filière administrative. Les femmes sont moins nombreuses également au poste d'encadrement et majoritairement représentées dans les catégories les moins rémunérées. Alors, ces discriminations caractérisées, elles justifient à elles seules la mise en place de dispositifs adaptés. C'est bien pour ça, aujourd'hui, qu'on en parle. Des procédures de recrutement repensées peuvent être envisagées, des fiches de poste dégenrées, des politiques de sensibilisation aux stéréotypes de genre parmi les cadres de direction. Peut-être est-ce déjà fait. En tout cas, ce sont des pistes à explorer. C'est ça, mettre en place une politique de l'égalité intégrée, c'est créer une culture de l'égalité et surtout travailler à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés à l'origine des processus discriminatoires. Donc le rapport et les indicateurs servent à ça. Par exemple, si l'on part du constat que la ségrégation professionnelle dans l'administration est un frein à lever, si on considère également que les femmes sont moins payées, alors on met en place des dispositifs qui facilitent les modes de garde pour les femmes qui ont des enfants. On allège les contraintes et on n'augmente pas le tarif des activités périscolaires comme ce que vous avez fait l'année dernière et dont vous avez parlé en début d'année. Si le coût des centres de loisirs explose, on renonce à mettre son enfant dans un centre de loisirs, on prend un temps partiel, on travaille moins, on est moins payé et on a une pension inférieure à celle des hommes. Ça, c'est ça, une politique de l'égalité intégrée. Enfin, je terminerai par un regret qui concerne le plan d'action qui est proposé, la feuille de route 2023-2025, qui, à ce stade, est indiqué comme une feuille de route envisagée. Pourquoi envisager ? Quand on met en place une feuille de route, il faut des objectifs chiffrés et précis. On aurait aimé des résultats attendus, les ressources à mobiliser, les critères d'évaluation. C'est bien pour ça qu'on aborde cette question avant le débat d'orientation budgétaire, pour évaluer les ressources qui doivent être allouées aux politiques publiques d'égalité. La portée d'un plan d'action est faible si les structures sont mal pilotées et si les objectifs ne sont pas clairement définis. Je vous remercie. Juste un instant, Caline. Le plan dont vous parlez est en cours d'élaboration. Il a été réalisé pour la période antérieure et pour la période future, il est en cours d'élaboration. Sur les fonctions d'encadrement à la ville de Bagnolet, je partage votre avis et je me permets de souligner, sans doute cela vous a-t-il échappé, que nous avons une direction générale paritaire, ce qui je vous assure, la direction générale des services de la ville de Bagnolet est paritaire, et que nous venons d'accueillir par exemple une directrice des finances qui est ici, et que nous accueillons dans les prochaines semaines une directrice de l'éducation également. Donc ça me paraît important de le souligner. Caline Tribic. Pardon. Donc très rapidement, quand Angéline vous parlait de l'année dernière du fait que nous aurions été habiles pour cacher un non-rapport de situation d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est complètement inexact parce qu'en fait on avait prévenu, effectivement vous êtes fine, c'est parce qu'on n'avait pas de chargé de mission qu'on n'avait pas pu faire la partie, ce qu'on appelle la partie RH. Quand vous dites que d'autres services auraient pu le faire, alors non, puisque vous-même vous saluez l'énorme travail d'Agnès Jaffar et de Malika Miloud, donc non, n'importe qui ne pouvait pas s'en charger comme ça. Pour rappel, on n'avait absolument pas cherché à le cacher, on l'avait dit tout de suite. On avait dit c'est un rapport cette année qui est très diminué, on s'en était excusé. Donc voilà, il n'y avait pas d'habileté, de manipulation de notre part. Pour les autres choses, alors voilà, la feuille de route, là, les actions envisagées pour l'année à venir, pas envisagées, donc je suis désolée si le mot vous a chagriné. Comme vous dit le maire, en fait c'est acté, c'est des actions actées dont on vous fera part très prochainement. D'autres interventions ? Pas d'intervention, donc je vous propose de prendre acte de la présentation de ce rapport. Rapport numéro 3, rapport d'orientation budgétaire. Mesdames, messieurs, chers collègues, il ne vous a pas échappé, nous en avons largement parlé dans la presse, peut-être aborderons-nous encore le sujet, que l'adjoint au maire qui a préparé le rapport d'orientation budgétaire n'est pas là pour le présenter. En effet, malgré ce que peut-être certains voudront en dire, et même les autres qui ne sont pas là, le document qui vous est aujourd'hui soumis a bien été préparé par les services municipaux et réécrit par celui qui était le premier adjoint chargé des finances il y a encore quelques jours. quelques mots d'abord sur le contexte dans lequel s'inscrit ce rapport. Chacun ici connaît la politique ultralibérale conduite par le gouvernement Macron-Borne, qu'il s'agisse de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la construction d'un filet de sécurité structurellement inadapté à l'actualité des collectivités territoriales, la fin du financement de la formation des apprentis accueillis au sein des collectivités ou l'absence de compensation des mesures décidées sur le niveau de rémunération des agents publics, Bagnolet n'est ni plus ni moins que n'importe quelle autre collectivité. Bagnolet n'y échappe pas, malheureusement. Chacun ici connaît, bien entendu, la crise économique et sociale qui frappe aujourd'hui de plein fouet notre société. Elle produit une hausse spectaculaire des prix des matières premières, de l'énergie, des denrées alimentaires et plus globalement une inflation record. L'ensemble de nos concitoyens sont touchés par cette dure réalité, nos collectivités également. Pour rappel, et pour que chacune et chacun ait bien en tête ces chiffres, et pour celles et ceux qui tenteraient de balayer d'un revers de main un contexte qui s'impose à nous, quelques faits, quelques chiffres. Les dépenses énergétiques, chauffage et électricité en 2021, elles représentaient 1,6 million d'euros au budget de la ville. Elles représentaient 3 millions d'euros en 2022. Elles représenteront 3,8 millions d'euros au budget de cette année, déduction faite de l'amortisseur électricité mis en place en soutien aux collectivités par le gouvernement. Pour la seule année 2023, en l'état des décisions déjà prises et non de celles qui viendront dans les mois qui viennent, l'impact des augmentations statutaires, de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, de l'augmentation du niveau du SMIC, de la revalorisation des carrières de catégorie C, de la mise en place du complément indemnitaire annuel, cela représente environ 2 millions d'euros. Je sais qu'ici, autour de cette table, femmes et hommes de gauche, nous ne pouvons que nous retrouver dans ces mesures augmentant le pouvoir d'achat des agents publics qui œuvrent pour nos services, pour notre population. Assumons-le, mais disons aussi que ces augmentations de charges pour nos collectivités auraient dû être accompagnées d'un accompagnement supplémentaire de la part de l'État et qu'aujourd'hui, il fait défaut. Pour couper court, là aussi, à toute tentative de déformation de mes propos, il ne s'agit nullement de dire que nous attendons tout de l'État, mais simplement de dire, comme aimait à le rappeler notre ancien adjoint aux finances, lors des échanges réguliers avec la préfecture, qu'à Bagnolet plus qu'ailleurs, nous savons combien les décisions prises dans des bureaux à Bercy ou dans les travées d'une assemblée parfois déconnectée des réalités pèsent sur notre réalité. C'est confronté à cette réalité que nous vous proposons aujourd'hui de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire qui doit permettre, le rapport qui vous est présenté ce soir. Comme chacun le sait, le moment n'est pas venu d'examiner et d'approuver le budget 2023, mais de débattre des orientations qui présideront à sa construction. J'aurais aimé en débattre avec ceux qui me demandaient de reporter ce conseil municipal, mais je comprends mieux pourquoi ils me demandaient de le reporter. Je veux ainsi nous rappeler les orientations qui présideront à l'élaboration de la maquette budgétaire 2023. Celui de la prudence financière, la montée en puissance de nos directions ressources et l'acquisition d'outils de prospective nous permettent de travailler une programmation pluriannuelle de nos dépenses de fonctionnement et de nos investissements. La mobilisation de l'ensemble des agents que je tiens à remercier ici et qui constitue, rappelons-le, une ressource inestimable au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais, grâce à qui d'importantes économies de gestion ont pu être réalisées ces dernières années et qui continueront encore cette année. Une stricte limitation du recours à l'emprunt. Les prospectives financières sur lesquelles nous travaillons incluent une autorisation de levée d'emprunt plafonnée à 10 millions d'euros. Malgré ce que certains écrivent ici ou là, cette autorisation maximale sera respectée dans le budget que nous vous présenterons au prochain Conseil. Et comme les années précédentes, l'emprunt levé sera finalement moindre qu'à revu à la baisse lors des décisions modificatives qui seront soumises au Conseil municipal jusqu'à la fin de l'année. Maintenir l'horizon d'une épargne nette positive permettant de consolider la solvabilité de la commune et le financement des investissements de notre collectivité. En 2022, grâce à une épargne de gestion positive de près de 10 millions d'euros, obtenue par une importante maîtrise de la masse salariale, et par une optimisation des recettes de fonctionnement, l'épargne nette s'est très nettement améliorée, même si elle reste négative. Totale transparence et sincérité. Certains insinuent que le budget qui vous sera présenté au Conseil municipal d'avril pourrait être frappé d'insincérité. D'autres même se risquent d'écrire là où les mots ont un sens et des implications juridiques. Je les invite à relire les documents budgétaires de ce soir et à étudier attentivement le futur budget primitif de la ville de Bagnolet. Cela étant dit, voici les principes que nous vous proposons de retenir. Conserver une programmation d'investissement ambitieuse et soutenable. La programmation pluriannuelle d'investissement sur l'ensemble du mandat s'élève à 113 millions d'euros. En 2023, chiffre actualisé depuis l'envoi d'Europe, ce seront 17 millions d'euros que nous vous proposerons de mobiliser. Cette somme inclut, en 2023, le remboursement de l'intégralité de la taxe d'aménagement du projet Europe Équipement Avenue Gallieni, dont le permis de construire est devenu caduque. La modification du projet liée à l'évolution du contexte post-Covid nous contraint à rembourser cette somme importante, interrogée à plusieurs reprises. L'État a fini par nous confirmer la nécessité d'inscrire l'intégralité de la somme dans l'attente d'un étalement de son paiement. Une décision modificative viendra dans les mois à venir acter cet éventuel échelonnement accordé par les services de l'État. Ne pas procéder à de nouvelles augmentations de fiscalité locale, donc la fiscalité locale n'augmentera pas cette année. L'engagement pris ici sera respecté, ce budget et les suivants en seront la concrétisation. Le maintien d'un niveau élevé de subventions permettant des choix politiques reflète des orientations politiques de la majorité. Et si mes informations sont exactes, la commission qui s'est réunie hier et qui accueille également les élus d'opposition s'est plutôt passée dans un climat plutôt consensuel, si mes informations sont exactes. Poursuivre la diversification et l'optimisation du recouvrement des financements de notre ville tout en respectant un principe de sincérité et de prudence. Seules les subventions obtenues par la ville déjà notifiées à la collectivité figurent dans le budget qui sera soumis à vos votes le mois prochain. Poursuivre l'optimisation des dépenses de fonctionnement. Ce n'est plus là que les économies majeures seront réalisées. Le gros a déjà été fait les années passées, le travail doit cependant se poursuivre et sera poursuivi. Avoir un pilotage dynamique et rigoureux de la masse salariale. Certains parlent de clientélisme. Ils parlent donc clientélisme, mais en même temps, ils me demandent de remplacer les agents d'entretien absents pour maladie dans les écoles, les ATSEM malades, et à un moment donné, de maintenir un haut niveau de service public. Donc à un moment donné, il faut savoir de quoi l'on parle. Les hausses de dépenses de ressources humaines sont réelles. Personne ne saurait le nier. Comme précédemment indiqué, la hausse de ces dépenses dans le budget 2022 s'explique par les hausses statutaires et obligatoires que j'ai évoquées. Comme chacun peut le supposer pour 2023, les dépenses de ressources humaines seront particulièrement contraintes. D'ores et déjà, les crédits dévolus à l'emploi des vacataires ont été amputés pour 2023 de près d'un demi-million d'euros. Quelques chiffres, là encore, concernant les RH. En 2022, le budget prévisionnel indiquait 44,5 millions pour la paye et les charges. En 2022, le réalisé est inférieur de près de 500 000 euros pour un montant total de 43,9 millions d'euros. Donc nous avons rendu plus de 500 000 euros en décision modificative concernant le budget RH. Pour 2023, le budget qui vous sera soumis comprendra une enveloppe de masse salariale d'un montant de 45,8 millions d'euros qui prend en compte des revalorisations dont je parlais tout à l'heure. Vous comprendrez enfin que le fait de reprocher à la fois, comme vous le faites régulièrement, chère Solène, le fait de reprocher régulièrement à la fois la vacance d'un nombre important de postes et tout à la fois un niveau élevé de dépenses au niveau des ressources humaines est pour le moins contradictoire. Dans la même logique, nous menons une politique volontariste de résorption de l'emploi précaire en contractualisant de nombreux agents vacataires du secteur enfance, et ce sera une nouvelle fois le cas cette année. Chers collègues, quelques mots pour terminer. Il ne s'agit pas de nous dire que tout va bien, ni d'ailleurs de nous dire que tout va mal. Juste de dépeindre un tableau transparent et sincère de ce qui me semble être la situation financière de la ville et de ce que doit être un débat d'orientation budgétaire. Oui, des débats peuvent avoir lieu, c'est même plutôt sain. Par contre, ne nous trompons pas de sujet. Oui, je l'assume, je ne porterai pas, et la majorité municipale non plus, en tous les cas celle qui a fait le choix de rester à mes côtés, je ne porterai pas une politique de rabougrissement ou de privatisation des services publics. Que cela soit clair pour tout le monde. Oui, nous continuerons à porter une attention particulière à ce que les politiques publiques de la ville de Bagnolet soient connectées au réel, à ce que les politiques publiques que nous menons soit connecté au réel. Je vous remercie de votre attention. À qui ? Madame Desbordes-Silly. Bah, tout va bien, monsieur le maire. Non, c'est, je viens de dire le contraire. Bon. Je viens de vous dire qu'il ne s'agit pas de nous dire que tout va bien, ni d'ailleurs de nous dire que tout va mal. Bon. C'était il y a 2 secondes, okay. Soyez attentive. Bon, moi je vous trouve plutôt allant. Hein. Bon, vous comprenez bien quand même que ce débat d'orientation... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, vous n'avez pas l'air contrarié par la situation. Précisez vos propos. Bah, vous n'avez pas l'air contrarié. Précisez vos propos. Vous qui aimez que l'on précise les propos... C'est clair, quand je dis que vous n'avez pas l'air contrarié... Madame Desbordes-Silly, qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Bah, alors, je vous le dis, vous venez de perdre votre premier adjoint. Votre adjoint délégué aux finances à 3 jours de l'examen du rapport d'orientation budgétaire, je pensais que vous seriez plus contrarié. Vous n'avez pas l'air contrarié. Mais bon, cela étant, quand même, on a un débat d'orientation. Mais j'aurais aimé en débattre avec M. Vionnet qui me demandait de reprendre le conseil. Ah oui, il vous manque. Conseil, j'étais persuadée qu'il... Oui, oui, bah oui, il vous manque. Allez-y, Madame Desbordes-Silly, on vous écoute. Bon, donc, on peut feindre la tranquillité, mais enfin quand même, ce débat d'orientation budgétaire, il revêt quand même un caractère tout à fait particulier. On peut être très détendu, néanmoins, il y a quand même une situation d'une gravité qui est alarmante. Bon, tant mieux, hein, si tout va bien. Bon, nous, en fait, on s'est demandé, et vous l'avez dit avec l'ensemble des élus du groupe, s'il fallait débattre ce soir, compte tenu de la situation. L'ensemble des élus du groupe. Je les cherche, Madame Desbordes-Silly. Oui, ben, on parle, vous savez, c'est pas parce qu'ils sont pas là ce soir qu'on ne discute pas. S'il fallait débattre, et surtout de quoi débattre, comment débattre, sur la base de quels éléments? Comment débattre d'un budget dont le principal artisan dit à mi-mot qu'il est, je cite, hein, artificiellement équilibré sur la base de projections déraisonnables de recettes? Qu'est-ce que vous comprenez? Mais moi, ce soir, je ne m'adresse pas seulement à vous, hein. On s'adresse à l'ensemble de votre majorité, parce qu'en fait, la démission d'Olivier Tarabella, elle vous concerne tous et toutes. Moi, j'ai envie de vous dire que la situation, alors pour le coup, elle est simple. Elle est simple, mais elle est très grave. Nous sommes, comme vous l'a écrit Olivier Tarabella, au bord du précipice budgétaire. Le mot terme précipice, il ne vient pas de nous, il vient de chez vous. Hein. Moi, je considère encore qu'Olivier Tarabella construit, élaboré le rapport qui nous est proposé, c'en est le principal artisan, parle de précipice budgétaire. Ça veut dire quoi un précipice budgétaire? Ça veut juste dire que les caisses sont vides et que vous n'avez plus de marge de manœuvre. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a préféré démissionner pour ne pas cautionner un budget dont vous dites qu'il est équilibré. Qu'est-ce qui nous le garantit? Ben vous le verrez. Ben on le verra, ben bien sûr, on va le voir. Qu'est-ce qui vous permet de dire le contraire? Ce sont des suppositions sur la base des écrits qui vous ont été... Alors nous, évidemment, nous n'étions pas en copie. Hein. C'était le mail d'Olivier Tarabella, vous étiez... je ne sais pas d'ailleurs comment on l'a eu. Probablement, ça vient de chez vous. Peu importe. Probablement. Nous n'étions pas destinataires et pourtant nous l'avons eu. Chez nous. Bon, il y a... Bon, en tout cas, voilà, c'est une très bonne chose. C'est une bonne guerre. Il m'est arrivé la même chose lorsque Marie-Christine Lacazette a démissionné de son poste de premier adjoint en 2005. Bon, je vous fais confiance, on ne va pas remonter, enfin on va pas refaire la chronologie comme on le fait si souvent ici. Donc je poursuis. Alors pourquoi vous n'avez pas de marge de manœuvre? Parce que l'autofinancement ne permet pas de faire face aux besoins liés au remboursement de la dette, au financement des investissements. Donc vous dites les choses différemment, vous êtes plutôt confiant. La réalité, c'est que vous avez laissé filer les dépenses de fonctionnement qui ont progressé plus vite que l'augmentation des recettes. Pourquoi? Bah pourquoi? C'est à vous. On aimerait que vous... Alors, vous avez dit tout à l'heure, il me semble, que finalement, les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement avaient été faits. Bah, alors, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Et si vous avez fait le gros des efforts, c'est extrêmement préoccupant pour le budget primitif qu'on va voter. Je ne comprends pas. Alors, dites-nous à quoi correspondent les efforts que vous avez faits. En réalité, il y a un défaut de gestion, il y a une désorganisation de l'administration dont le turnover dysfonctionnel dont parle souvent Pierre Vionnet au poste de direction est parfaitement révélateur. D'ailleurs, à ce sujet, moi je ne connais pas les personnes qui sont derrière vous, ce serait assez démocratique que de communiquer aux élus d'opposition un organigramme de votre direction générale. Je ne sais pas qui sont les cadres qui sont derrière vous. Voilà. Voilà, donc une désorganisation de l'administration, un turnover, on ne parle même pas de votre DGS, hein, je ne sais plus, quatrième ou cinquième DGS, bon courage à vous. Donc, une désorganisation, un défaut de gestion, un turnover qui, évidemment, fragilise l'administration. Vous n'avez plus les moyens d'investir, vous n'avez aucune trajectoire claire de désendettement. Ou alors, expliquez-la nous, là, le montant de la dette, l'encours de la dette est pratiquement de 150 millions d'euros. Il est supérieur à la fois au budget de fonctionnement et d'investissement réunis. Alors, qu'est-ce que finalement, on s'est demandé s'il fallait rester là, s'il fallait débattre. On ne va pas débattre sur la base de documents qui nous paraissent incomplets. Et en plus, on aurait aimé débattre, comme ça se fait dans toutes les collectivités qui fonctionnent normalement, avec l'adjoint délégué aux finances. Moi, ce qu'on a envie de vous dire, en fait, c'est que vous manquez de courage politique. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Le courage, aujourd'hui, dans la situation de faillite financière qui est la nôtre, ce serait d'associer les habitants aux choix difficiles qui doivent être faits plutôt que de vous réfugier éternellement derrière le bilan de votre prédécesseur. Vous ne nous l'avez pas dit, non. Mais vous avez parlé de Marie-Christine Lacazette. Je pense que... J'étais jeune, j'avais des cheveux noirs à l'époque. Mm-hmm. Donc vous pratiquez, en fait, c'est ce que je disais en début d'intervention, vous pratiquez la politique de l'autruche. Hein, par démagogie, tout va bien. Ayez du courage. Dites aux bagnoletais et aux bagnoletaises que les caisses sont vides. Faites des choix avec eux et pour eux. Personne n'est naïf. Vous parlez du service public, de la qualité du service public. Croyez-vous réellement que les bagnoletais soient naïfs à ce point-là? D'ailleurs, l'intervention des parents en début de séance témoigne d'un service public qui finalement n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Hein, croyez-vous réellement qu'on puisse croire à la réalité d'un plan d'investissement ambitieux alors que les équipements publics tombent en lambeaux, que la ville vient d'être épinglée par les services de l'État pour des manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire à cause d'une cuisine centrale trop vétuste? Vous écrivez, page 26 du rapport, les efforts de gestion engagés permettent une amélioration des épargnes. Quels efforts de gestion? Quelles économies de gestion avez-vous faites? Où les économies ont-elles été réalisées? L'épargne nette est négative, la capacité d'autofinancement, comme vous l'avez dit à l'instant, est tout à fait nulle. Et le remboursement, alors sans rentrer, c'est extrêmement technique, mais sans rentrer dans les détails, le remboursement en capital des emprunts explose. Je crois qu'il était de 6 millions et demi ou un peu plus en 2018, aujourd'hui on arrive à 8 millions. Alors, évidemment, si on vous avertit, vous allez opposer, vous l'avez fait d'ailleurs, hein, l'argument parfaitement démagogique que vous optez pour une stratégie de service public plutôt qu'une stratégie de gestion. Hein. De privatisation. Ouais. Deux mots. Non, mais non, c'est pas la même chose. Une stratégie de bonne gestion n'est pas la même chose qu'une stratégie de privatisation. La qualité du service public, les parents d'élèves en ont parlé mieux que moi pour l'instant. Pour mettre en place des services publics efficaces et durables, il faut faire avec les usagers. Et de toute façon, il faut de l'argent. Bien. Il faut s'appuyer aussi sur les usagers, sur leur expertise, faire avec eux et sans eux. Et non pas sans eux, pardon, ou malgré eux. Bon, pour terminer... Je ne vais pas rajouter grand-chose, je pense que l'essentiel a été dit. Après, j'espère que d'autres membres de votre majorité s'exprimeront, prendront la parole. On va quand même vous demander une chose qui nous paraît tout à fait essentielle et qui nous a été demandée par un certain nombre d'administrés, c'est que vous mettiez en place, que vous réalisiez, compte tenu de la gravité de la situation, un audit financier. C'est la moindre des choses que Avec Michel Klopfer ? Pardon ? Avec qui vous voulez, voilà, je me moque, je comprends même pas l'allusion. Mais je vais développer. Développer, voilà, et je vous remercie. Alors, Madame Sidi, quelques éléments. En fait, votre intervention démontre votre totale méconnaissance de ce que sont les finances locales. C'est parce que je suis une femme que vous dites ça. Je ne vous ai pas interrompu. Une discussion récente. Tellement habituelle, ce genre de remarque. Une discussion récente avec une ancienne élue de cette ville qui a exercé un mandat pendant de longues années et qui m'expliquait, mais Tony, la dette, tu ne pourras jamais la diminuer. compte tenu des investissements qui ont été réalisés. Donc, si vous voulez, c'est ce que je m'évertue à vous expliquer depuis que vous êtes élu, c'est qu'en fait, penser que l'on va pouvoir diminuer la dette de la ville compte tenu des investissements à réaliser, je rappelle que peut-être que c'est anecdotique pour vous, c'est sans doute anecdotique pour vous, mais on a livré le programme de renouvellement urbain numéro 1. C'est sans doute anecdotique pour vous. Croyez-moi que pour les habitants des Malassis et de Lanoux, ça ne l'est pas. Non, non. Ce programme, Madame Desbordes-Silly, il a été adopté à l'unanimité du Conseil municipal en avril 2008. En avril 2008. Oui, ça vous embête, mais je vous explique les choses. Il a été véritablement démarré en 2015 avec l'endettement que nous avions. L'endettement que nous avions, qui était... Alors, on ne va pas parler du passé, l'hôtel de ville, le groupe scolaire Joliot-Curie, mais nous avons porté à son terme ce programme de renouvellement urbain numéro 1, alors que tout le monde, à l'époque, nous disait « Vous ne serez pas capable de porter ce programme de renouvellement urbain numéro 1 », et nous avons même dédensifié le projet FH sur le quartier Blanqui, de 300 logements. Je rappelle que un certain nombre de projets d'investissement de la ville sont équilibrés en 2013 parce qu'un programme urbain, un programme d'aménagement partenarial est voté au Conseil municipal de juin 2013 qui prévoit la cession de terrain au groupe EFAGE à hauteur d'11,5 millions d'euros. D'accord ? Nous avons dédensifié. Nous nous sommes assis sur 6 millions d'euros parce que nous avons construit 300 logements en moins sur le quartier Blanqui. Donc forcément, à un moment donné, lorsqu'on construit des budgets avec des dépenses et que les recettes ne sont plus en face, forcément, ça crée des difficultés. Mais nous l'avons assumé. Nous l'avons assumé parce que la volonté de la population à l'époque et l'engagement que j'avais pris avec l'équipe municipale de l'époque devant les habitants, c'était de dédensifier le projet Blanqui. Et nous l'avons fait. Mais à un moment donné, il y a 6 millions de recettes en moins. Donc, nous avons porté ce PRU à son terme, contrairement à tout ce que les gens ont dit à l'époque, à commencer par l'opposition, à commencer par mon prédécesseur. Mais peu importe, nous nous engageons dans le cadre du NPNRU. Nous avons signé la convention avec l'État il y a maintenant 3 semaines. Il y a quoi dans cette convention, Madame Desbordes-Silly ? Vous n'étiez pas là à l'époque. Les ORU, les opérations de renouvellement urbain, lancées en 98-99 par Claude Bartolone, lui aussi il avait des cheveux noirs à l'époque, prévoyaient, et on en avait discuté longuement à l'époque, la démolition de la dalle Thorez. La démolition de la dalle Thorez. Nous sommes en 2023. La démolition de la dalle Thorez est toujours là. Eh oui, la démolition, la dalle Thorez est toujours là. On a signé le programme de renouvellement urbain, le NPNRU, avec Est Ensemble, et je remercie Est Ensemble pour son soutien. Et nous allons reconstruire des équipements publics, nous allons reconstruire une piscine, nous allons végétaliser un secteur qui en a bien besoin. Donc, vous pouvez faire fi de tout ça, Madame Desbordes-Silly. Mais regardez la réalité en face. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits concrets. Ce sont des faits concrets. Voilà. Donc, je ne vous ai jamais entendu sur le NPNRU, d'abord. Je ne vous ai jamais entendu sur le PRU. Parce qu'en fait, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui se passe dans les quartiers populaires de cette ville, Madame Desbordes-Silly, ne vous intéresse pas, en fait. C'est ça, le problème. C'est lamentable, ce que vous dites. C'est lamentable. C'est vous, êtes à bout d'argent. Je vous laisse pourquoi, à vos jugements de valeur. Pourquoi l'invective ? Laissez-moi terminer. Quel est l'intérêt de ce genre de pique gratuite ? Ça n'a aucun intérêt. C'est pas une pique gratuite. Mais pourquoi on ne serait pas intéressé par les quartiers populaires ? Mais parce que vous n'en parlez pas. Vous faites une longue intervention sur l'Europe, vous n'en parlez pas. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous ne parlez pas du NPNRU ? Pourquoi vous ne parlez pas de la démolition de la dalle Thorez ? Mais parce que ce n'est pas le sujet, on parle de finances. Pourquoi je vais parler de la démolition de la dalle Thorez ? Pourquoi vous ne parlez pas de la reconstruction du collège travail sur le site du parc des sports de la briqueterie avec un réaménagement totale des équipements sportifs. Pourquoi vous n'abordez pas ces sujets, Madame Desbordes-Silly ? Abordez-les, ils font partie du ROB. Ça fait partie des pages pas, qui vous ont été communiquées. On ne va pas lister l'ensemble des investissements que vous... Vous parlez des dépenses RH, Madame Desbordes-Silly. Vous parlez des dépenses RH. Je vous redonne un chiffre, je vous en redonne même trois. Budget primitif 2022, inscrit au budget primitif, 44,5 millions d'euros concernant la paye. La paye, les charges de service de la paye. Réaliser 500 000 euros de moins. Donc vous me demandez où sont les économies, je vous donne où sont les économies. En 2023, c'est 45,8 millions parce que on a des revalorisations en année pleine du point d'indice. Et je pense que vous vous félicitez de la revalorisation du point d'indice. Mais à un moment donné, Madame Desbordes-Silly, vous ne pouvez pas, à longueur de conseil municipal, me dire il y a des postes vacants, le tableau des effectifs, il y a tant de postes vacants, vous ne recrutez pas à tel endroit, vous ne remplacez pas à tel endroit, et me reprocher une hausse massive des dépenses de personnel. Il y a quelque chose de contradictoire. Et vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dit. Je ne m'exprime jamais sur le tableau, des effectifs. Mais Madame Desbordes-Silly. Et pourquoi vous voulez absolument nous faire venir sur le terrain RH ? Il y a des gisements d'économie ailleurs. Il y a de la mauvaise gestion. On a on l'a dit, pas je ne sais plus sur. Je fais référence. Le Bajomag, cette gabegie, c'est, évidemment, on c'est y tout. Travaille, mais Madame. Mais oui, mais vous travaillez, ça fait 9 ans que vous êtes aux responsabilités. Ça fait 9 ans. Arrêtez de vous réfugier derrière votre prédécesseur et son bilan. Écoutez, ça fait 9 ans. Vous êtes comptable de vos actions. Votre voisine de gauche est intervenue dans un journal. C'est quoi nos Dionysia, où elle parle justement de ces dépenses RH, où elle évoque le fait, est-ce que c'est du clientélisme ? Point d'interrogation. Je vous invite à lire l'article du Parisien qui est sorti tout à l'heure. Donc moi, je veux bien qu'on dise tout et son contraire, mais à un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il faut dire où on coupe. Vous avez dit tout à l'heure fort justement que les femmes sont particulièrement touchées par la précarité de l'emploi, contractuel, vacataire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne renouvelle pas les contractuels dans les écoles ? On ne renouvelle pas les vacataires à l'animation ? Mais vous imaginez bien qu'on n'est pas capable, je ne suis pas capable d'identifier l'administration. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe au sein de votre administration et je ne vais pas vous donner des leçons de gestion. Alors, Madame Desbordes-Silly, c'est à vous de faire le job. Manifestement, les gisements d'économie, c'est Olivier Tarabella qui vous dit de les faire au sein de l'administration. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Je souffrais que je puisse intervenir, Madame Desbordes-Silly. Vous faites une grande leçon de morale, une grande leçon de finances publiques. Je vous explique que vous n'y connaissez rien. Pardon de vous dire que vous n'y connaissez rien. Et là, la preuve, c'est qu'effectivement, vous ne maîtrisez pas. Et vous me donnez une leçon de finances publiques et maintenant, vous me dites que vous ne connaissez pas les éléments. Donc, ne donnez pas de leçons. Non, je vous dis que je ne connais pas par le menu le détail de votre administration. Cessez de dire que je suis incompétente, c'est insupportable. Madame Desbordes-Silly, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelques chiffres ? L'augmentation du prix des fluides liée à la crise énergétique. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus que c'était 1,6 million d'euros en 2021, 3 millions d'euros l'an dernier et que ce sera 3,8 millions cette année ? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus ? Toutes les collectivités subissent ça, toutes ne sont pas en cessation de paiement ou en quasi-cessation de paiement. Madame Desbordes-Silly, la ville de Bobigny va augmenter la fiscalité de 18%. On l'a fait l'année dernière. Et donc, si vous voulez, toutes les collectivités sont confrontées aux mêmes difficultés aujourd'hui. Même les collectivités Génération.S lorsqu'il en reste. Donc, toutes les collectivités sont confrontées aux mêmes difficultés. Je veux dire, à un moment donné, je ne vous dis pas que tout va bien, je vous dis le contraire. Tout ne va pas bien, tout ne va pas mal. En tous les cas, croyez-moi, on est déterminés. On est déterminés à ce que ça avance. On a une direction générale qui est enfin en complet. Il va y avoir un nouveau projet d'administration. Il y a un bilan de mi-mandat qui va être débattu avec les élus. Et on ira devant la population, parce qu'on n'a pas peur d'aller devant la population, Madame Desbordes-Silly. D'autres interventions ? Édouard Denoy. Bien, merci. Ce débat d'orientation budgétaire qu'on engage, c'est un exercice important, liminaire certes, mais il se situe pour celui-ci à la charnière du mandat. Il permet de préciser les moyens de l'articulation entre ce qui a été fait et ce qui nous reste à faire dans ce mandat, et notamment en matière d'investissement communal. Et effectivement, puisqu'on a commencé à le dire, il s'établit dans un moment de tension politique et économique qui doit éclairer nos choix et guider notre action. Le contexte national d'abord, il est particulièrement difficile pour les communes et notamment pour celles de la taille de la nôtre. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais citer une députée de droite du parti Horizon pour essayer de montrer que le sort des communes interroge, intéresse, au-delà des rangs de la gauche. Une députée Horizon de Seine-Maritime, et je l'ai choisie parce qu'elle était, elle est ancienne maire de Fécamp. Alors, Fécamp est un peu plus petit que Bagnolet, mais pour essayer de parler de ces communes moyennes. Elle s'appelle Marie-Agnès Poussier-Vinsbach et elle a alerté il y a quelques semaines la Première ministre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et précisément sur la situation des villes moyennes. Et elle dit toute une série de choses qui me paraissent importantes. D'abord que ces communes supportent des charges de centralité très importantes et exercent pour ces raisons sur leurs contribuables une pression fiscale déjà conséquente. Ces communes, poursuit-elle, sont étranglés par des charges imprévisibles, étranglés par des factures d'énergie bien supérieures à ce qu'on peut prévoir lors des préparations budgétaires, étranglés par l'augmentation importante des coûts de l'alimentation lorsqu'elles disposent de restaurants scolaires, étranglés par une augmentation du point d'indice que leurs agents, point d'indice, augmentation que nous avons décidée cet été, puisqu'elle est députée. Donc si on résume, l'emprunt pour les collectivités locales est plus cher et surtout moins aisé. Les frais courants explosent, et notamment les fluides. Le point d'indice des fonctionnaires est revalorisé et ça gonfle le poids de la masse salariale. Et pourtant, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires est souhaitable. Je rappelle qu'il a été gelé pendant plus de 10 ans. Les fonctionnaires se sont appauvris et d'ailleurs s'appauvrissent encore sous les effets de l'inflation. Alors on doit arbitrer pour le budget qu'on va voter dans un mois. On doit débattre, pardon, pour ce budget qu'on va arbitrer dans un mois, mais également pour les suivants. Or, il n'y a pas que les communes qui sont étranglées par l'inflation. Il y a principalement les Françaises et les Français, et a fortiori dans les communes comme la nôtre. Et puis, puisque c'est un sujet central, parlons services publics. Les priorités que nous avons fixées en début de mandat, elles doivent perdurer pour protéger les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Je vais en citer quelques-unes. Éducation, santé, transformation écologique du territoire. Oui, effectivement, le plan pluriannuel d'investissement est ambitieux et que pour le tenir, il nous faut trouver des marges de manœuvre. Il faut effectivement repenser l'organisation du service public local sans le privatiser, sans le réduire, sans le rabougrir. Mais effectivement, il faut aussi tenir un discours de vérité sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et débattre aussi de la meilleure allocation de nos moyens contraints. Sur le périmètre du service public à la population, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas le réduire. J'ai envie de citer, pêle-mêle, en oubliant beaucoup, nos centres socioculturels, notre centre de santé, le centre Couder, nos accueils de loisirs et tant d'autres, parce qu'ils sont le patrimoine commun et qu'ils le sont encore plus pour celles et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de patrimoine. On doit dire aussi, et donner des exemples, et en débattre entre nous, de ce qu'on ne peut pas faire. Certains, dans la ville, attendent, par exemple, une police municipale qui serait coûteuse, à notre sens, inefficace, et que nous ne pouvons pas financer. À l'État, le régalien. Nous devons en effet contenir les dépenses de fonctionnement pour pouvoir financer l'investissement, et l'objectif, c'est de rendre d'abord la ville respirable, marchable, cyclable, moins imperméable, vivable, plus propre, plus dynamique économiquement. On s'y emploie sans cacher aucune des difficultés, car des difficultés, il y en a beaucoup, sans refuser l'obstacle aussi. Et le quotidien difficile des Bagnoletaises et des Bagnoletais, qui risque de l'être d'ailleurs encore plus demain, Mohamed Jenan y faisait référence avec la funeste réforme des retraites, ce quotidien difficile doit être notre boussole. Je vous remercie. D'autres interventions ? Émilie Trigou. Merci, chers collègues. Effectivement, aujourd'hui, on débat du rapport d'orientation budgétaire. Alors, il est vrai, je suis désolée, on va quand même me dire que je fais des petites piques, mais on peut s'étonner que celui qui en a demandé le report ne soit pas là ce soir, et on oserait imaginer que sa demande de report est tenue en partie du fait qu'il n'était finalement pas disponible pour en discuter, mais je referme là ma parenthèse. Évidemment, le contexte voudrait que certains y voient une crise politique majeure au sein du conseil municipal de Bagnolet, et ce n'est pas le cas. Une crise politique majeure, c'est quand le gouvernement n'est pas capable de faire adopter une réforme des retraites par la voie démocratique et qu'il passe en force par le biais du 49-3, alors que le Front syndical uni s'y oppose. J'entends, alors plus exactement, je lis, parler de psychodrame aussi. C'est quand même mal connaître Bagnolet que de s'offusquer pour si peu. Ici, il y a des désaccords certains même, des désaccords qui peuvent être suffisamment profonds pour que cela crée une rupture. Mais nous n'avons pas à rougir de ces désaccords. Nous sommes dans une situation nationale compliquée, c'est peu de lui dire, on le répète depuis les débuts du Conseil. Crise sanitaire depuis 2020, crise écologique, crise sociale, crise sociétale. On est en train de vendre à nos concitoyennes et nos concitoyens qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus, et ce, sans contrepartie. Les coûts de l'énergie n'ont jamais été aussi élevés. L'inflation est telle que les prix dans les rayons des supermarchés font avoir des syncopes à toutes celles et ceux qui font leurs courses. Et il aurait fallu, nous, à Bagnolet, qu'on coupe dans la masse salariale pour être considérés comme des gens responsables. Ne comptez pas sur nous. Comme nous aurions pu, pendant le tout premier confinement, ne pas rémunérer les contractuels qui n'ont effectivement pas travaillé pendant 2 mois. On aurait pu légitimement le faire, sans prendre en considération la situation de ces femmes et de ces hommes qui se seraient retrouvés du jour au lendemain sans un centime de salaire. Fort heureusement que nous ne l'avons pas fait. Et je n'ai entendu personne nous le reprocher. Et là aussi, tant mieux si nous pouvons avoir cette unité-là. Depuis, on a dû faire face aux hausses des coûts de l'énergie. Individuellement, ça nous fait déjà tous mal quand on reçoit les factures. À la hauteur de la mairie, de la municipalité, c'est une petite broutille de 2 millions d'euros. Nous avons aussi suffisamment milité, Édouard Desnoyelles vient de le dire, mais pour que le point d'indice des fonctionnaires soit dégelé, pour ne pas nous plaindre dès qu'il l'est enfin. Et il faut voir à quel minime niveau cela a été fait. C'est encore 2 millions d'euros pour la collectivité. Et pour autant, allons-nous cesser de revendiquer que ce point soit à nouveau dégelé? Certes non. Nous travaillons sur la résorption de l'emploi précaire en titularisant des contractuels. Nous incitons nos agentes et nos agents à passer des concours internes pour progresser dans leur carrière. Tout cela a un coût et ça aussi, nous l'assumons. Nous pourrions, comme certains le préconisaient depuis longtemps, vendre Yzeure et Oléron et priver nos enfants, vos enfants, tous les enfants de Bagnolet, de ces centres de vacances historiques de la ville. Nous ne le ferons pas non plus. Donc non, il n'y a pas de crise politique à Bagnolet, il y a des choix. Des choix de gauche que certains n'assument pas, et cela peut amener parfois à des séparations. Ça ne nous empêchera pas d'avancer. Pour le bien des habitantes et habitants de la ville, en leur proposant des services publics de qualité, parce que nous sommes fiers d'avoir 5 centres sociaux et culturels sur le territoire, nous sommes fiers que notre centre municipal de santé, et nous sommes fiers de pouvoir proposer aux familles un accompagnement à la scolarité qui aille plus loin que le simple dispositif devoir fait imposé par Blanquer dans nos collèges. Pour le bien de nos agentes et de nos agents aussi, en les soutenant dans leur mission et en leur permettant d'avancer dans leur carrière. Vous avez parlé de courage politique, et le courage politique, c'est d'assumer ses choix. Vous vous inquiétez de la sincérité du budget qui vous sera présenté. Soyez rassurés, c'est un budget sincère, de combat, de gauche engagée, et nous n'avons pas à en rougir. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Vassindou. Monsieur le maire, chers collègues, je vais commencer par saluer l'administration communale pour l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire qui a pris en compte nos remarques pour arriver à un budget qui sera équilibré et sincère. C'est très important de souligner et ça l'est encore plus aujourd'hui. En menant ce débat d'orientation budgétaire, nous pensons au contexte social de la réforme des retraites au cœur des débats nationaux et l'engagement de notre collectivité d'être aux côtés des salariés les plus précaires, notamment les femmes, qui sont les premières à en pâtir. Elles qui, avec beaucoup de dévouement et courage, s'occupent de l'entretien de nos bâtiments communaux, entre autres. Dans ce contexte inédit auquel font face toutes les collectivités, il est bien sûr évident que les dépenses de fonctionnement augmenteront, et les motifs sont bien sûr connus, l'inflation énergétique, la hausse des prix des matières premières et de l'alimentation cumulée aux revalorisations du point d'indice des agents. En parallèle, la politique de formation engagée par la ville pour accompagner l'évolution des métiers et amener les agents communaux à acquérir de nouvelles compétences et pour nous un choix en adéquation avec les valeurs de gauche que nous portons. Aujourd'hui, avec le contexte économique qui rend l'exercice budgétaire complexe du fait d'incertitudes sur la croissance des contraintes liées à l'évolution mécanique de certaines dépenses, nous ne pouvons que nous réjouir du programme pluriannuel ambitieux co-construit durant les réunions d'arbitrage budgétaire et qui permettra de poursuivre la mise en œuvre de projets structurants comme la débitumation des cours d'école qui a commencé avec l'école de travail et la création d'une promenade plantée au quartier des Coutures pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Pour terminer mon propos, je l'ai dit tranquillement, mais avec beaucoup de sérénité, mais sans aucun cynisme, qu'il y a bien un capitaine à bord et que David n'est pas en train de tanguer. Merci. Merci. D'autres interventions ? Jean-Claude. Oui, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir dans une situation étrange avec la discussion d'un rapport d'orientation budgétaire dont le principal auteur vient de démissionner. Je voudrais tout d'abord dire que cette démission nous affecte, bien sûr. Elle ne peut réjouir personne, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Depuis 9 ans, Olivier Tarabella a œuvré pour redresser la situation financière de Bagnolet, qui était critique à l'arrivée d'une nouvelle majorité en 2014. Il faut bien le rappeler. À ce titre, je voudrais le remercier sincèrement pour son engagement, son sérieux, sa compétence et aussi pour sa gentillesse. Ses compétences en matière budgétaire étaient un gage de sérieux et de crédibilité pour la ville de Bagnolet qui en avait bien besoin vis-à-vis de tous ses interlocuteurs institutionnels et financiers. Son départ, bien entendu, nous inquiète. C'est aussi une alerte très détaillée qui nous a été livrée sur la situation de notre ville et nous l'entendons. Si les responsabilités sont évidemment différentes selon que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, cette situation appelle à sortir des postures convenues et à dialoguer de façon approfondie sur les problèmes rencontrés et les solutions à mettre en œuvre pour l'avenir de notre ville qui nous tient tous et toutes à cœur. Ceci étant dit, j'en viens à présent au ROB lui-même. La première partie donne des éléments de contexte national. Nous étions plutôt habitués à une présentation neutre. Ce n'est pas le cas cette fois-ci et nous nous en réjouissons. Une analyse clairement critique des mesures du gouvernement est proposée. Elle montre d'une façon précise comment la politique des cadeaux fiscaux du gouvernement aux plus riches empêche le redressement des finances publiques depuis 2017. J'invite les citoyens qui assistent au conseil municipal dans la salle ou pour d'autres en vidéo ce soir à lire cette présentation très éclairante qui mériterait une publication grand public. Je redis ce que les collègues ont dit, dans le contexte général, les incertitudes liées à l'inflation qui pèsent notamment via les dépenses énergétiques et la revalorisation du SMIC et d'autres mesures salariales, que nous soutenons, bien sûr. Ces mesures touchent toutes les collectivités. Par exemple, hier encore, à Est Ensemble, c'était aussi le cas dans la préparation du budget, où ça représente 900 000 euros de dépenses supplémentaires. Mais elles pèsent bien davantage sur une ville déjà fragilisée financièrement comme Bagnolet. Dans l'Europe, l'attention est attirée sur la maîtrise de la masse salariale. Il s'agit d'adapter la masse salariale aux objectifs de service public fixés par la municipalité. La masse salariale de la commune est aujourd'hui trop élevée au regard du périmètre du service public, indique l'Europe. Il ne s'agit pas de réduire le périmètre du service public, ce avec quoi nous ne serions pas d'accord. Cela ne résoudrait rien, car il faudrait reclasser ces personnels et l'expérience montre que c'est très long à Bagnolet. On n'aurait plus l'activité, qu'il faudrait payer un prestataire extérieur, mais on continuerait à payer les salaires. La difficulté de fond, c'est que nous avons à la fois une masse salariale trop importante et des services publics qui peinent à réaliser leur mission et dont la population bagnoletaise est insatisfaite. Nous l'avons vu tout à l'heure encore avec la question de la restauration scolaire. Ce constat ressortait déjà des auditions des élus de l'administration et des syndicats réalisé par le bureau d'études de Talisker dans une mission sur les états généraux du service public à Bagnolet. Avec les revalorisations prévues, la masse salariale progressera encore cette année, ce qui n'est pas satisfaisant. La réorganisation des services en cours devrait permettre de réaliser des économies, mais il faudrait les préciser avec des chiffres, avec des objectifs chiffrés. La réorganisation doit aussi répondre à une situation de personnel en souffrance, une administration communale structurellement dysfonctionnelle, comme le disait également la mission Talisker. Bien entendu, ce constat n'enlève rien au sens du service public et à l'engagement de très nombreux agents. Pour répondre à la fois aux difficultés financières de la ville, mais aussi aux difficultés du personnel et à l'insatisfaction de la population, il faut une volonté politique forte qui s'appuie sur le personnel et sur la population pour obtenir le redressement que nous souhaitons tous. Ce qui me fait revenir à la proposition politique qui avait été faite il y a maintenant longtemps, d'états généraux du service public local. C'est plus que jamais nécessaire et urgent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Mona Bellil? Merci, Edouard. Je ne sais pas comment je dois t'appeler. Edouard. Je vous écoutais, là, et puis après j'ai noté, j'ai griffonné deux, trois trucs parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Alors, vous vous étonnez de notre, j'allais dire, non-réaction à la démission d'Olivier, avec tout le respect que je lui porte. Hein. Bah, en fait, une démission, ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai moi-même démissionné de mes fonctions il y a quelques mois dans mon cadre perso. C'est une réalité que tous les Français connaissent. Donc, voilà, le maire ne retient personne. Je pense à mon prof d'arabe et de cinéma qui disait il y a quelques années, je vous ferai la traduction pour les non-arabophones et puis j'allais dire pour les non-arabophiles, bouchez-vous les oreilles, mais ils ne sont pas là, donc je vais le prononcer. Elbeb arnktefek. L'encadreur de la porte est plus large que vos épaules. Il est tout à fait aisé de sortir d'une pièce. Oui, l'encadrement. Merci de me reprendre. Un arabophone. Donc, l'encadrement de la porte est plus large que vos épaules. Donc, vous pouvez aisément partir. On ne retient personne. Peut-être que le bateau a tangué, mais il n'a pas chaviré. Il y a encore une équipe municipale et un maire à bord. Et donc, ils tiennent bien la barre. Après, j'ai envie de dire, tout à chacun démissionne. Même le souverain pontife a démissionné, 2012-2013. Donc, la communauté chrétienne s'en est très bien remise. Je pense que nous, ici, on peut très bien s'en remettre. Vous évoquiez absence de projection, absence de courage politique, des efforts de gestion. Je pense qu'Olivier l'a très bien rédigé dans sa note quand il parle des outils qu'il utilise depuis 2019, qu'on utilise au sein de l'administration, concernant la collectivité, puisqu'elle s'est dotée d'outils de prospective et de suivi budgétaire. Page 184, je pourrais vous en faire lecture, mais visiblement, il sera disponible sur le site internet de la ville. Donc, je vais vous épargner une page entière, mais c'est très concret, c'est factuel et c'est appuyé. Donc, voilà. Donc, réinterroger l'efficience de l'action municipale, oui. Des politiques publiques qu'on mène localement, oui, on le fait. Hein, chacun dans sa direction, dans sa délégation, le fait. C'est quelque chose qui ne se fait pas en one shot, je pense que vous en avez tout à fait conscience et je ne vais pas vous ressortir l'historique de la ville. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le moyen, long terme. Donc on en voit quelques bénéfices et on espère pouvoir en faire profiter les Bagnoletais d'année en année. Mais revoir le périmètre du service public local, non. Non, Émilie l'a très bien expliqué, Edouard en a fait de même, monsieur le maire, Vassindou. Tout a été dit. Maintenant, il faut, quand on parle de courage politique, où est-ce que vous situez le courage politique? Où est-ce que vous voulez taper dans le gras? Parce que c'est un peu ça, entre les lignes. Il faut taper dans le gras. Souvent, la lecture de ce que j'entends, c'est « faut taper dans le gras ». En fait, la compétence principale de la ville, c'est l'urbain, un peu de logement, l'école, mais le bâti, et l'état civil. Donc, en fait, si on vous écoute, on réduit l'activité, l'action de la ville au cimetière, aux naissances, au mariage, un peu d'urbain parce qu'il faut des permis de construire, des permis de démolir, etc. Donc, plus de cantine parce que ce n'est pas une compétence obligatoire. plus de crèches parce que l'école n'est pas obligatoire avant 3 ans, plus d'associations sportives, pardon, je passe prêche pour ma paroisse, mais plus d'associations ton cours, donc plus de dotation, plus de CMS, oui, parce que c'est qu'accessoire en fait, hein, le CMS... Ça nous apporte rien, ça apporte rien à nos bagnoletés, on le sait. Je dis par, c'est de l'ironie, hein. On ne sait jamais si c'est mal interprété, donc je précise, c'est de l'ironie. Plus de centres socioculturels, en fait, rien. Une ville administrative, purement administrative. Alors ouais, hein. Un budget en équilibre, ça se présente avec des dépenses. Voilà, vous parlez beaucoup de dépenses, mais très peu de recettes. Hein. Un budget en équilibre, ça appelle des dépenses et des recettes. Bah, je ne suis pas technicienne, hein. J'ai juste fait un bac ES hein, avec spécialité SES, mais bon, je maîtrise un peu les chiffres. Pour revenir sur l'Europe, parce qu'il parle quand même un peu des prévisions et des gros projets qu'on a pour la ville, on parle de PPI, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Et pour ma paroisse, je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que je suis quand même élue au sport, hein, mais au-delà de ça, le PPI, page, je vais vous dire comme ça au moins pour celles et ceux qui aiment bien revoir un peu le conseil municipal. Page 30, mais en fait c'est la page 196 hein, du gros document. La ville de Bagnolet atteint à ce stade, donc en 2022, un taux de subventionnement de 25,31% de sa programmation pluriannuelle d'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un quart du PPI qui est présenté est déjà, enfin, il y a déjà une subvention en face. Charge à nous en 2023 de poursuivre ces recherches de fonds, parce qu'on a la chance quand même d'aller pouvoir glaner un peu des fonds par-ci par-là. On s'est doté de personnels compétents qui vont chercher ces fonds. On a aussi des élus qui sont derrière. À titre perso, avec Vincent Doux, on est allé quand même chercher avec l'administration des financements pour subventionner à hauteur de 80% le City Stade du Square Jules Ferry. Donc en fait, on va chercher des financements en face. Donc aujourd'hui, on a un quart et on espère que vous dire en 2024 qu'on aura la moitié, voire 3/4. C'est notre souhait. S'agissant des sports, dans le cadre du PPI, donc de la réalisation du projet, du plan pluriannuel d'investissement, on a plusieurs sujets. On a la construction des installations sportives au niveau des Malassis, en fait la reconstruction. Au niveau du bâti, c'est expliqué, hein, on est autour de 3 millions. J'arrondis, je ne m'amuse pas à vous donner les dizaines, les centaines. Hein, autour de 3 millions d'euros concernant le bâti, puisque en fait la piste ou les alentours, du moins l'extérieur, piste et plateau omnisports, seront pris en charge par Est Ensemble, sachant que 70%, si j'arrondis, mais on verra, hein, 70% sont pris en charge par l'ANRU concernant notre bâti, donc sur les 3 millions. Donc faites le calcul. Sur les installations sportives, la ville dégage 300 000 euros pour rafraîchir un peu nos structures sportives, hein, parce que c'est un peu vétuste, délabré. On a quand même deux grosses réhabilitations qui sont programmées, c'est à la fois Baquet et Polizzer. Jean-Renaud, pardon. 2,5 millions pour Baquet et 1,8 millions pour Jean-Renaud. Honnêtement, allez voir Jean-Renaud. C'est un bâtiment qui date de 58. Il a 65 ans, ce bâtiment. Les toilettes sont turques, mais encore, c'est même pas... Ils sont catastrophiques. C'est un état vétuste, délabré. On ne peut pas accueillir des gens comme ça. Donc, on prend nos responsabilités et on investit là où il faut investir. Donc, les sports n'y échappent pas. Et je remercie monsieur le maire de nous appuyer là-dessus et l'administration pour le travail qui est engagé, ainsi que mes élus, mes collègues ici élus, hein, qui n'ont pas rechigné pour pouvoir dégager une enveloppe pour réhabiliter les infrastructures sportives. Donc voilà, Jean-Renaud, Baquet, et puis le parc des sports de la briqueterie, hein, qui va coûter au bas mot 5 millions d'euros pour la commune. Donc voilà, c'est une amélioration sensible des équipements sportifs et de l'offre sportive qu'on peut donner aux habitants et aux usagers de la ville. C'est tout ce que j'avais à dire. Mohamed, et ensuite Cédric. Cédric, vas-y. Go alors. Merci monsieur le maire, chers collègues. Je souhaite intervenir dans le cadre de ce ROB sur la gestion communale à travers mon prisme, celui de ma délégation qui est l'aménagement de la ville et de l'urbanisme. Pour ma part, mais ça n'étonnera personne, je trouve la gestion communale résolument sociale, écologique et responsable. Bref, de gauche. Mais je vais m'expliquer. Pourquoi sociale ? Alors, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais aller assez vite, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qui vient de se passer au mois de février. Le maire a signé en février la convention tripartite d'engagement du NPNRU, concernant notamment la transformation de la dalle Maurice-Thorez, tant attendue par la population. Un projet ambitieux pour améliorer le cadre de vie. Je pense que tous ceux qui font de la politique locale depuis de nombreuses années sur la commune savent pertinemment que ce projet est extrêmement attendu, la démolition de la dalle Maurice-Thorez. À l'époque, quand je me suis engagé en politique en 2013, on appelait cet endroit la piscine. Et c'est enfin maintenant que la destruction de la dalle va enfin avoir lieu. La création de nouvelles esplanades vertes, d'une sente piétonne, et la création de nouvelles infrastructures publiques, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, le centre social culturel, la piscine, le théâtre, le dojo, le stade, la salle polyvalente, bref, c'est pratiquement tout un quartier qui est refait à neuf. Le NPNRU, 127 millions d'euros, abondés par de fortes subventions, et comme le rappelait mon ancien collègue aux finances, des subventions les plus fortes de France. Donc nous pouvons être fiers de ce travail d'équipe, parce que tout ça ne sort pas d'un chapeau, c'est le travail d'une équipe résolument de gauche, et les riverains voient enfin la fin de leur combat, la requalification de cette dalle, comme quoi le passif hérité n'est pas encore totalement soldé. Mais il reste du travail. Ça, c'était pour la partie sociale. Et effectivement, je suis d'accord avec Monsieur le maire, tout à l'heure dans votre intervention, vous l'avez complètement oublié. Vous l'avez oublié, ça arrive. Hein. Pas nous. Alors pourquoi écologique ? Alors tout ne peut pas passer non plus par les dépenses publiques. Ma collègue Mona Bellil le rappelait, il y a aussi les recettes. Et quand on fait de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, on s'aperçoit aussi qu'il faut négocier avec les promoteurs. Et vous nous l'avez souvent rappelé, vous me l'avez souvent rappelé. Et je suis même désolé que M. Violet ne soit pas là. Bah, pour me taquiner un peu. Ah oui, il me mente. Parce que le samedi, il s'amuse dans le quartier des Coutures à réunir les élus. Ah. Que Mme Desborsini, que ce soit à Saint-Nazaire ou à Bagnolet, on est souvent amené à travailler avec les mêmes promoteurs, en fait. Eh oui. Ça fait rire. Au moins, on a le même humour là-dessus. Donc, effectivement, ils s'amusent le samedi à réunir des élus de Montreuil, des élus de Paris, des élus de Romainville, qui font un peu d'ingérence, on va être d'accord. Hein. Et des habitants des quartiers des Coutures, anciennes candidates aux législatives. Hein. Tout à fait. Mais ah, pas beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup plus de personnalités politiques que d'habitants. Qui vous dit que j'étais pas à côté ? Eh oui. Ah, s'il vous plaît. Cédric Pape seul, non, Lafouine. Lafouine, vous gardez ça pour vous, Madame Chaput, on a l'habitude. Cédric Pape tout seul. Bon. Bon, donc, je suis désolé qu'il soit pas là, parce qu'il nous aurait peut-être donné un petit cours sur si on ne peut pas augmenter les impôts, et personne ne souhaite que les impôts soient de nouveau augmentés. Si on ne peut pas de nouveau augmenter la dette, je pense qu'on est tous là d'accord pour ne pas augmenter la dette, peut-être faut-il se pencher sur les recettes et sur les taxes d'aménagement. Eh oui, vous voyez où je veux en venir. Clac, ça monte. Mais Madame Desborsini, est-ce que vous pouvez laisser un élu terminer ? Si vous voulez, le mépris, ça suffit, laissez-nous parler, laissez-nous et vous aurez la parole ensuite. Donc la taxe d'aménagement, quand effectivement on développe un projet économique dans une zone définie économiquement par le PLUI qui a été voté, et que certains élus d'autres villes se réunissent pour bloquer le projet, bah, allez leur expliquer, puisqu'ils ont l'air plus savants que nous, ces élus des autres villes, comment on fait pour équilibrer un budget, comment on fait pour investir dans une ville quand on bloque à la fois l'emprunt, l'augmentation des impôts. Je pense que si nous allons, nous tous, cette majorité municipale, devant la population pour leur dire que dans les zones économiques, nous faisons des projets économiques, ils nous suivront. Donc, pour rappel, la majorité municipale a validé en bureau municipal, et je pense que c'est aussi intéressant de le rappeler, de façon unanime, le projet Europe Équipement, avenue Gallieni, en négociant la création d'un espace vert ouvert au public. Cette même majorité municipale a validé en BM, de façon unanime, le projet Nexity Inly rue Parmentier en négociant l'agrandissement et la requalification du parc existant. Vous étiez à la réunion publique, madame, et vous avez pu voir que le projet était bien accueilli. Enfin, les maires du 20e arrondissement de Bagnolet, avec la présidence de M. Bessac d'Est Ensemble, portent de toute leur force le projet d'enfouissement de l'échangeur de la porte de Bagnolet, avec des solutions à court terme et à long terme. Je pense que l'ensemble des élus ici présents peuvent se réjouir de l'ouverture prochaine d'un tel débat, puisque pour l'instant on est en préopérationnel, donc rien n'est décidé, mais que nous sommes bien là face à un projet d'écologie populaire. Enfin, j'arrive à la responsabilité de chacun. Cette majorité municipale a été élue en priorisant la construction ou la réhabilitation des infrastructures scolaires. C'est notre priorité. Et cela le reste. Cela passe, au vu de ma délégation, par le maintien d'un moratoire qui a été défendu de longues années, un peu moqué d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce moratoire a beaucoup d'effets puisque ça limite la construction de logements privés qui viendrait malheureusement mettre la pression sur les infrastructures scolaires. Pour rappel, parce qu'on oublie trop rapidement, un nouveau collège travail sera construit au stade de la briqueterie en respectant ainsi le vote citoyen réalisé en début de mandat, démocratie, et il y aura un accompagnement budgétaire de la ville dès cette année sur ce grand projet. La reconstruction de l'école Pêche d'Or a débuté. L'achat du terrain de la future école du centre-ville est programmé dès cette année. L'étude de l'école Paul Langevin a débuté aussi. Les premiers retours auront d'ailleurs lieu très prochainement. Quant à l'école Ferry, l'étude est bien inscrite au PPI. C'est donc bien un programme ambitieux lié aux activités scolaires que nous sommes en train de déployer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais assurer Mme Bélil et ceux qui en doutent que nous tenons à nos services publics et à nos équipements publics. Jacqueline Chounavel, que je passe voir régulièrement, me le rappelle souvent. Elle me dit que ce sont nos bijoux de famille. Prenez-en soin. Je propose qu'on prenne l'engagement ce soir au conseil municipal, une fois pour toutes, que l'on ne vendra pas ces bijoux de famille et qu'on n'en externalisera pas les services publics. Une fois pour toutes, on n'en parlera plus. On ne vend pas les bijoux de famille et les services, ils ne seront pas externalisés. Oui, moi j'ai une question relative à la police municipale. J'entends Édouard de Noël que vous y êtes farouchement opposé et je vous ai entendu, monsieur le maire, lors d'un conseil de quartier de mémoire, indiquer à la population que vous alliez mettre en place un référendum relatif à la mise en place d'une vraie police municipale. Je vous confirme que j'envisage une consultation de la population. Donc vous n'êtes pas d'accord? En fait, si je puis me permettre, comme dans beaucoup de majorités, de beaucoup d'endroits, et puis on peut faire quelques centaines de mètres et aller à l'hôtel de ville de Paris, il peut y avoir des débats importants entre des groupes de la majorité municipale. Et je pense que c'est bien, quand on a un débat, certes budgétaire, d'avoir aussi un débat politique. Et pour ma part, je souhaitais, au nom de mon groupe, dire et donner cet exemple-là, des choses qui nous semblent, que nous ne sommes pas en capacité de faire, mais aussi parce que c'est une question de partage entre les différents payeurs, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'ai bien distingué, à mon sens, le régalien de ce qui ne l'est pas, mais c'est un débat. Je pense que c'est la richesse de la démocratie. Absolument. Et en fait, on n'a pas peur du débat, Madame Desbordes-Silly, parce que, si je me souviens bien, une des premières fois où je vous ai vu à Bagnolet, c'était peu de temps après votre arrivée, c'était le jour du référendum sur la gestion publique de l'eau. place de l'hôtel de ville où un de vos collègues qui n'est pas là ce soir et un ancien élu qui a été élu écologiste pendant de longues années dans cette ville expliquait que certains s'étaient vendus pour un verre d'eau. Je me souviens de cette phrase, elle m'a assez marqué. Et donc, on a montré que, un, on était capable d'organiser des consultations, qu'on n'en a pas peur, que deux, lorsqu'on a consulté la population sur le site du futur collège, on l'a fait également, et qu'effectivement, on a le droit d'avoir des débats. En fait, heureusement qu'on a des débats, et on a bien plus de débats que vous ne le croyez, mais après, chacun assume, chacun prend position, mais c'est vrai que dans le débat sur la police municipale, il y a aussi la question de pouvoir assumer financièrement de porter une police municipale. Vous savez, certains dans la majorité m'expliquent qu'il y a des dizaines de postes en trop. Et dans le même temps, ils sont pour le service public. Il y a des dizaines de postes en trop. Donc à un moment donné, moi je dis, dites-moi où, comment, et comment on fait, quoi. Enfin, si vous voulez, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Mon histoire personnelle m'a appris à être extrêmement pragmatique en politique. Peut-être parce que j'ai travaillé avec des gens qui venaient d'horizons très différents, que ce soit du lambertisme, à la Ligue ou à d'autres choses. Et donc, je suis pragmatique. Mais à un moment donné, lorsqu'on me dit qu'il y a plusieurs dizaines de postes en trop à la ville de Bagnolet, je demande, listez-moi où, quoi. Parce que on peut toujours dire on n'a pas les détails, mais il y a un tableau des effectifs qui est délibéré régulièrement. Les mêmes, parfois, participent au comité technique paritaire. Ils ont les éléments qu'ils souhaitent avoir. Mais lorsqu'on gèle un poste dans des secteurs qui peuvent les concerner, on nous interroge pourquoi tu gèles le poste. À un moment donné, il faut à la fois faire des économies, avoir un service efficace, un service public efficace. Et c'est vrai que des fois, on ne l'est pas suffisamment. Et j'assume mes responsabilités. Si vous voulez, je rendais compte aux habitants. Je rendais compte lorsque on a un contrôle qui montre que la cuisine centrale présente un certain nombre de défauts. Je rendais compte. L'équipe municipale rendait compte, mais c'est d'abord moi qui rendais compte. Donc, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Mais à un moment donné, il faut des choix. Les effets des strates, c'est une chose. Et puis après, la gestion, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de risque à pouvoir débattre de sujets de fond, parce qu'on parle de sujets de fond, si vous voulez. Lorsque on choisit l'emplacement d'un collège, on va sur un sujet de fond. Lorsque on décide d'aller sur des investissements importants, on va sur des sujets de fond. Et lorsqu'à un moment donné, on va débattre du projet d'administration et de la refonte des services de la ville, et c'est ce que c'est la lettre de mission de M. Célien Cadiche, notre nouveau DGS, c'est moderniser, optimiser, et tout ça dans un sens d'efficacité pour les Bagnoletais. On n'est pas là pour nous, on est là pour la population. Donc il n'y a pas de tabou, mais à un moment donné, il y a des choses qui me font doucement rigoler, quoi. Il y a des choses qui me font doucement rigoler, et si vous voulez, les postures politiciennes me font doucement sourire, parce que c'est bien beau de tenir des discours de gauche dans certaines circonstances et puis de porter des positions, on va dire, un peu plus macronistes dans d'autres circonstances. Voilà. Il fut un temps où, je me souviens, la liste du BIC, qui était dirigée à l'époque par M. Claire Laurence, nous expliquait dans une lettre ouverte qu'il y avait 80 emplois de trop à la ville de Bagnolet en se fondant sur le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2017. Tout ça, ce sont des faits, je ne parle que de faits. Je ne parle pas d'interprétation. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien, mais comment on fait, quoi ? Comment on fait ? Moi, j'entends ces gens qui expliquent qu'ils sont contre le cumul des mandats, mais qui veulent cumuler toute une liste de fonctions. J'entends ces gens qui nous donnent des leçons de morale sur ce qu'est l'exercice d'un mandat local et qui, parfois, n'ont pas forcément les mêmes attitudes de responsabilité que devrait entraîner ce mandat local. J'entends ces gens qui vous expliquent il faut bosser, etc., etc., il faut faire des réunions, et puis qui organisent des pots dans des commerces de la rue Sadi-Carnot pendant que nous, modestement, laborieusement, on passe notre temps à débattre en conseil municipal. Ce sont des choix. Moi, je les constate, je ne donne pas de leçons. Je ne donne pas de leçons de la même manière que quand certains ou certaines expliquent que mes amis qui trafiquent de stupes, etc., dans certains endroits de la ville, et que je n'agis pas parce que j'y ai mes propres intérêts, ça me fait doucement rigoler lorsque je sais qui va acheter sa barrette de haschich à tel endroit ou à tel autre endroit. Vous voyez, ça me fait doucement rigoler. Lorsqu'il y a des gens qui achètent à côté de l'endroit où ils travaillent leur barrette de shit ou qui vont l'acheter en bas de chez notre mère, de chez ma mère, de chez Solène, ça me fait doucement marrer. Donc, à un moment donné, évitons les leçons de morale, débattons dans l'intérêt des bagnoletais et c'est honte de garder un peu la raison, franchement. Parce que, voilà, on fait de la politique, on est élu local. On essaye d'être un peu sérieux. Mais je suis d'accord là sur ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de désaccord notoire. Mais je rappelle quand même qu'Olivier Taravella, qui vous demande de réaliser des économies, appartient à votre famille politique. De ramener le budget RH à 40 millions. Et je vous le dis... Il est socialiste, comme vous. Vous appartenez à la même famille politique. Madame Desbordes-Sillies, ramener le budget RH de la ville de Bagnolet aujourd'hui à 40 millions d'euros, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Si vous voulez, lorsque j'ai été élu, il était à plus de 43 millions, 44 millions. On essaye de limiter. L'organisation, de nouvelles organisations vont peut-être nous permettre de limiter ces hausses. Mais à un moment donné, on développe de nouvelles politiques publiques. Lorsqu'on crée un poste de chargé de mission sur les mobilités durables, un poste qui n'existait pas auparavant, c'est un poste qui chargeait, un poste de cadre chargé qui coûte 40 ou 45 000 euros. On fait des choix politiques. On fait des choix politiques, mais la politique, parfois, ça a un coût budgétaire. D'autres interventions ? Pas d'intervention ? Donc, je vous propose de voter cette délibération, actant que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, avenant numéro 2, convention entre la ville et le CCAS. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Appel à candidature, fonction de déontologue. On ne peut qu'être d'accord. Donc, il est proposé par cette délibération d'abroger la précédente délibération, de la modifier, d'offrir la possibilité d'avoir, en quelque sorte, des jetons de présence en fonction des missions réalisées. Et je rappelle qu'on a quand même été un peu précurseur, puisqu'aujourd'hui, un décret du dernier trimestre, nous, on a délibéré, on n'a pas trouvé de candidat, Madame Desbordes-Sillies. On n'a pas trouvé de candidat. Donc aujourd'hui, tous nos collègues et toutes les villes vont devoir désigner un déontologue. Allez-y. Oui, je me permets de préciser que vous avez été un peu précurseur, mais qu'on vous a un petit peu suggéré de mettre en place... Ce poste des déontologues. J'avais deux questions, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'être adversaire sur tous les sujets politiques. Moi, j'ai deux questions. D'abord, vous dites que vous n'avez pas trouvé, mais quelles ont été les procédures de publicité en juin 2021 ? Je ne sais pas. C'est resté quand même très confidentiel, mais vous allez peut-être nous dire qu'il y a eu des procédures de publicité qui nous ont échappé. Première question. Et deuxième question, où est passée la commission spéciale de nomination ? Ah, mais Madame Desbordes-Sillies, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Je vous rappelle que ce travail qui avait été engagé, on a été amené à délibérer effectivement à la date que vous venez d'évoquer. La date que vous venez d'évoquer faisait suite à un épisode douloureux concernant l'équipe municipale et concernant nos élus. Vous vous souvenez ? Et qu'à ce moment-là, vous nous avez expliqué qu'il ne saurait être question pour vous de nous dédouaner derrière quelques délibérations que ce soit. Et vous avez refusé de participer au vote. Vous avez refusé de participer au vote. Vous avez refusé de participer aux discussions. Et même dans le conseil municipal, dans la réunion de coordination qui précédait le conseil municipal, en visio, je m'en souviens très bien, vous nous avez dit, mais en fait, c'est de la rigolade. Vous essayez de vous acheter bonne conscience suite. Voilà. Je m'en souviens. Donc... Et effectivement, on a créé une commission, on va la réunir et vous êtes sincèrement les bienvenus. Moi, je souhaite qu'on puisse choisir, que le choix du déontologue fasse l'objet d'un consensus, c'est le but. Et les mesures de publicité vont être plus élargie qu'au site ou qu'à la Gazette des communes, et vont l'être à nouveau, on va à nouveau publier. Et c'est vrai que le décret de fin d'année permet de rémunérer, d'indemniser à hauteur de 80 euros en fonction des missions qui seront réalisées. Après, on pourra trouver quand même des gens qui seront bénévoles à 100%. Mais sincèrement, vous y êtes les bienvenus. Ce n'est pas de l'humour, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Ensuite, on a une série de délibérations qui concernent les effectifs du Centre municipal de santé. Vous avez une question orale, allez-y, posez-la, et Grégoire vous répondra, et on pourra examiner les délibérations en question. Oui, parce que du coup, j'ai regardé un petit peu le dossier. C'est vrai qu'en partie, je pense que vous allez répondre à mes questions. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire, de me permettre de la lire maintenant. Depuis plusieurs mois, le centre médical de santé de Bagnolet est victime d'un manque d'effectifs de médecins considérable. La prise de rendez-vous peut atteindre un mois d'attente. Cette baisse significative des effectifs est très inquiétante et notre collègue Mohamed Jenad l'avait d'ailleurs pointé lors du dernier conseil municipal. C'est d'autant plus inquiétant que c'est le seul dispositif de la ville qui propose des soins pour tout le monde. Nous ne pouvons pas faire le même constat sur la clinique Fleuréal qui est en secteur 2, pratique le dépassement d'honoraires à sa guise. Cela est dramatique dans un département comme le nôtre et d'autant plus incompréhensible que la ville vient de faciliter l'accès des habitants à la mutuelle. Notre question est la suivante. Où en est-on du recrutement des médecins, mais surtout du directeur ou de la directrice du centre municipal de santé, qui permettrait aux Bagnoletais de bénéficier les soins dans les meilleurs délais, dans de bonnes conditions ? Nous souhaitons savoir dans quelle revue sont publiées les annonces de recrutement, car plus il y a d'actes médicaux, moins la charge financière de fonctionnement est lourde. Grégoire. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette question. En effet, je comptais intervenir sur ces délibérations pour faire un point sur le centre municipal de santé, qui est un joyau de notre ville, qui est un service public dont je pense les Bagnoletaises et les Bagnoletais sont satisfaits, malgré peut-être certains manques. Mais en tout cas, il remplit pleinement ses fonctions. Juste quelques chiffres. Le centre municipal de santé, c'est plus de 10 spécialités qui exercent. Donc, je vais faire la liste parce que souvent, on m'interroge. Donc, comme ça, vous saurez. Donc, il y a des dermatologues, il y a dermatologie, échographiste, médecine générale, bien sûr, gynécologue, hypnose, phlébologue, psychiatre, rhumatologue, podologue et j'en oublie, diététicienne. Donc, voilà, il y a l'ensemble de ces spécialités-là qui consultent au centre municipal de santé. À ces spécialités, il y a bien sûr les paramédicaux, donc infirmières, masseurs-kinésithérapeutes. On a également les spécialités dentaires, orthodontie, le nouveau panoramique dentaire qui permet de faire de la radiographie dentaire, des consultations, vous en avez parlé, santé sexuelle, mais également contre les violences faites aux femmes. Et c'est plus de 40 000 consultations en 2022. Alors, en très légère baisse par rapport à 2021. Donc, voilà, l'activité se maintient malgré, comme vous le dites, un problème auquel on doit faire face, qui est le problème de la raréfaction de l'offre médicale. Et c'est vrai que, comme tout le monde, on se pose des questions pour essayer d'attirer un maximum de médecins. Pour attirer ces médecins, on est en train de mener une politique ambitieuse avec monsieur le maire. Donc, tout d'abord, une première réforme ambitieuse, c'est la réforme des contrats. Donc, depuis la création du centre municipal, je pense, les médecins, notamment les chirurgiens dentistes, étaient payés en vacataire. Donc, dorénavant, on a fait une réforme pour rendre leurs emplois stables. Ils seront en CDD, CDI en fonction de leur ancienneté. Et par ailleurs, pour valoriser également leur activité, on va faire, dans le cadre des contrats, référence à des grilles, notamment de la fonction publique hospitalière, pour montrer l'importance qu'ils ont dans notre ville. Et on est la troisième ville de Seine-Saint-Denis à élaborer ce type de contrat pour justement pouvoir attirer les professionnels de santé dans la ville en valorisant leur place et leurs fonctions. On a également accordé des hausses de salaire pour certains professionnels de santé au sein du centre municipal de santé, notamment pour les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes. On essaye de construire des partenariats avec d'autres structures de la ville. Donc, notamment, j'étais en visite la semaine dernière au Floralie, où l'idée, c'est de faire venir certains de leurs médecins en consultation avancée au sein du centre municipal de santé pour avoir des spécialités, d'autres spécialités par rapport à toutes celles que je viens d'énumérer. Et puis, par ailleurs, on va investir dans des échographes, investir dans les locaux également. Et donc, voilà, c'est une politique un peu d'ensemble. Et par ailleurs, on est en contact depuis cette réforme sur les contrats avec également le syndicat des centres de santé pour se réunir, essayer de se coordonner également avec les autres centres municipaux de santé, donc que ce soit à Romainville, à Montreuil, au Lila, et pouvoir construire une offre de soins qui corresponde aux besoins de la population. Sur la question très précise des revues, alors le site internet sera Staff Santé, donc on m'a répondu, voilà. Donc c'est un site spécialisé, mais par ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut compléter ces publications par le bouche à oreille, parce que ça marche aussi beaucoup comme ça. Et c'est vrai qu'en répondant aux attentes des médecins qui exercent actuellement dans la ville par rapport à ces réformes des contrats, on espère aussi également attirer plus de professionnels. Donc voilà, c'est un centre qui reste extrêmement dynamique, des professionnels extrêmement investis, un nombre de consultations, plus de 40 000 consultations en 2022. Voilà, on comprend l'importance qu'a ce centre dans la politique de soins de la ville. En tout cas, voilà, on est pleinement mobilisé et j'essaierai de vous tenir au courant. Et de toute façon, c'est aussi cette réforme des contrats, ce qu'elle fait, c'est qu'on est très transparent, puisque maintenant, les créations de postes, les modifications de postes passent en conseil municipal. Donc, vous les verrez et puis on pourra en discuter à chaque fois. Mais en tout cas, merci pour votre question et je ferai un prochain point en espérant qu'on puisse vous annoncer des bonnes nouvelles de recrutement de médecins très prochainement. Merci Grégoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Donc je vous propose de passer aux voix sur la délibération 6. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. La 7 concerne la possibilité de recruter un agent contractuel pour un poste d'administrateur ou d'administratrice de réseau et système. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération 8. On revient au CMS par adjoint médecin directeur du CMS. L'autorisation de recruter des agents contractuels. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. La délibération 9 concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette mise à jour ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération 10 concerne la garantie des emprunts contracté par l'OPH de Bagnolet devenu Est Ensemble Habitat auprès de la Caisse des dépôts pour l'opération pour l'achat de 22 logements en VFA pour l'opération Roussadi Carnot et Francisco Ferrer. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Les délibérations 11 et 12 ont donc été retirées. La délibération 13, avenant numéro 2, bis à la charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité. Anne Gerval, une intervention. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter l'avenant numéro 2 de la charte territoriale de GUPS. Le 6 octobre, le CM avait délibéré sur cet avenant numéro 2 afin de permettre le prolongement de l'exonération de la TFPP. La taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs jusqu'au 31 décembre de cette année. Pour rappel, la charte pour convention cadre portant sur l'utilisation de l'abattement TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville d'Est Ensemble. Elle régit les conditions d'octroi de l'abattement de 30%, établit les modalités d'organisation et d'exécution de cet abattement exclusivement octroyé aux bailleurs sociaux signataires au contrat de ville d'Est Ensemble. Contrat de référence, elle précise les modalités d'élaboration, d'application et d'utilisation, de suivi et d'évaluation de l'abattement. L'État n'a pas validé cet avenant. Pour cette raison, un avenant 2 bis a été proposé par Est Ensemble. L'objet de l'avenant, la prolongation de la durée de la charte, avait pour seul objectif de réaffirmer les engagements des villes et d'Est Ensemble. L'avenant 2 bis, lui, porte sur les descriptions du suivi des conventions GUPSP et de l'exonération TFPB qui était insuffisante dans l'avenant numéro 2. Ces descriptions étaient dans la convention initiale de 2016, mais n'avaient pas été réécrites dans cet avenant. Donc, il y a une demande de renforcement du suivi du dispositif à la demande expresse de la préfecture. Donc, je vais vous passer les engagements pris par chacun des acteurs. Donc, vous avez sur pour la ville, l'Est Ensemble, les bailleurs, l'État. L'avenant numéro 2 bis à la charte prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des signataires, des acteurs. Il s'applique jusqu'à l'approbation d'un nouvel avenant à la convention territoriale au plus tard jusqu'à décembre 2023. Les clauses de la convention cadre portent sur l'utilisation de l'abattement. Il reste inchangé et applicable conformément aux dispositions prévues par la convention initiale. La période initiale de la convention allait de 2016 à 2020. Le présent avenant précise la durée d'application de la charte sur le périmètre QPV de 2016 à 2023 et porte la prorogation de l'utilisation de l'abattement TFPB jusqu'à la fin de cette année. Au-delà de 2023, la charte doit être renouvelée en lien avec le contrat de ville qui demeure le document cadre incluant la charte ainsi que les conventions d'utilisation de l'abattement. Voilà. Merci Anne. Des observations ? Pas d'observations. Je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 14. Convention de coopération et de cofinancement de la facilitation des clauses sociales. Manon Chrétien. Merci Monsieur le Maire. Je propose de proposer les deux notes suivantes, donc 14 et 15. Les notes concernent le BE. Oui, c'est ça, exactement. Donc la note numéro 14, il s'agit d'une convention biannuelle. Par laquelle la ville réitère sa volonté de positionner les clauses sociales au cœur des marchés publics et ainsi de proposer aux habitants de se positionner sur des marchés porteurs tout en pouvant bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel. Et donc, effectivement, on avait échangé avec Madame Desbortilly, hein, les clauses sociales, c'est une passerelle hein, sur lesquelles on positionne sur des marchés publics. La note numéro 2, elle concerne le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc cette convention oui, fait suite à l'habilitation que l'on a obtenue en décembre dernier, puisque notre territoire a obtenu l'habilitation, donc la possibilité de créer une entreprise à but d'emploi et donc de lancer l'activité de Territoire zéro chômeur sur les quartiers respectifs de l'Anou et de la Capsulerie. Et donc cette convention permet de contractualiser les relations autour des principaux protagonistes autour de ce projet-là. Donc, pour information, l'entreprise à but d'emploi doit ouvrir en avril prochain. Donc, les conventions régissent nos activités respectives de l'emploi, du PLI, d'Est Ensemble et de la ville sur ce projet. Merci Manon. Des remarques, des questions ? Madame Desbortilly. Oui, non, je remercie simplement Manon Chrétien d'avoir fait un peu de pédagogie politique pendant la commission, parce qu'effectivement, il n'y a pas que finances publiques que je ne comprends rien. Je ne connaissais pas et ne comprenais pas le fonctionnement des clauses sociales. Donc merci d'avoir répondu et c'est évidemment très bien. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération 14 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. La délibération 15. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération 16. On en a parlé en introduction, c'est la modification du règlement intérieur des activités périscolaires. Donc il nous faut adopter d'abord un amendement de l'exécutif. S'il y a des observations, l'observation. Donc sur l'amendement de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Et donc sur la délibération elle-même qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Daouda octroie d'un soutien financier à la Turquie et à la Syrie. Daouda. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, par rapport à ça, la ville de Bagnolet a été toujours solidaire sur le plan international dans le soutien avec tous les pays, toutes les villes du monde dans le cadre. Je peux citer par exemple le cas de Haïti avec les problèmes là-bas, au Liban aussi en 2020, en Algérie en 2021. Donc, cette aide par rapport à la Turquie et à la Syrie et dans les habitudes de la commune de Bagnolet. Je vous remercie. Merci Daouda. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La question orale, nous l'avons vu. Le vœu du groupe Ensemble pour Bagnolet, demande de statut de réfugié pour Julian Assange. Solène Le Bourris. Oui, je vous remercie. Je vais vous lire directement le vœu. Je pense que vous connaissez tous un petit peu Julian Assange et la situation dans laquelle il est actuellement. Je vous invite, bon, c'est un vieux numéro, mais je vous invite à lire cette interview de Julian Assange, L'Humanité Dimanche. Voilà. Alors, il y a un peu plus d'un an, février 2022, les députés de la majorité avaient rejeté une proposition qui, dépassant les clivages politiques, invitait le gouvernement français à accorder le statut de réfugié en France au fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Après avoir passé 7 longues années réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres, il est depuis 2019 incarcéré à Londres et menacé d'extradition vers les États-Unis. Depuis 12 ans, Julian Assange est victime d'un acharnement politique au judiciaire pour avoir fait son travail de journaliste. Traqué, espionné, confronté à l'exil, victime de traitements inhumains, privé de liberté, Julian Assange est aux yeux des États-Unis coupable d'espionnage pour avoir diffusé en 2010 sur son site Wikileaks des millions de documents confidentiels. Pour cela, il risque 175 années de prison. Julian Assange a été nominé 9 fois pour le prix Nobel de la paix, car il la défend par la vérité. Il a notamment dénoncé des agissements barbares, des crimes de guerre et des actes inqualifiables qui devraient être rendus publics et que le monde devait connaître. Vis-à-vis de la France, Julian Assange a particulièrement rendu service à notre pays en révélant que 3 présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que divers ministres de l'économie, avaient été espionnés par les États-Unis. Enfin, un enfant de Julian Assange est français. Julian Assange est un lanceur d'alerte. L'action des lanceurs d'alerte est essentielle en démocratie, car ils la défendent et défendent nos libertés en portant à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois. La mobilisation de ces femmes et de ces hommes engagés pour l'intérêt général nous a permis ces dernières années de lutter plus efficacement contre la corruption, l'évasion fiscale, la surveillance de masse ou encore l'espionnage industriel. Alors que le 21 mars 2022, la France s'est dotée d'une loi visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte, le gouvernement d'alors n'avait pas fait preuve de cohérence en alignant ses paroles à ses actes et en accordant le droit d'asile à Julian Assange. Il est temps de mettre fin à l'acharnement subi par Julian Assange. Il est temps de mettre fin à 12 années d'une vie volée. L'ONU, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, Human Rights Watch, excusez-moi pour l'accent, 37 organisations françaises regroupées dans l'appel de Paris, parmi lesquelles la LDH, Acrimed, Anticor ou la Fédération internationale des journalistes réclament sa libération. Cette situation dépasse largement les clivages politiques. Les principes fondamentaux de la démocratie sont en jeu. Il s'agit d'une question de justice et d'hommage à tous ceux qui luttent à travers le monde, parfois au péril de leur vie, pour informer, dénoncer l'arbitraire, défendre la paix et les droits humains. En conclusion, le Conseil municipal de Bagnolet est appelé à approuver le vœu présenté ce soir, demandant à l'État français d'accorder le statut de réfugié au fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Je vous remercie. Merci Solène. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, je propose de passer aux voix. Qui est pour approuver ce vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé. La séance est levée. Je vous remercie.